Mais c'est parti. Bon, ça, c'est bien de commencer avec un tout sautage. Je t'avais dit que je devais te raconter une histoire. Oh oui, Père Castor. Pas du tout, pas du tout. D'accord. En fait, j'ai investi pour RTH, Oula! pour Road to Hellfest. Ça fait à peu près 3 semaines, mon câble m'a lâché. Il faisait plus contact du tout. Oh merde! Et ouais. Donc sans ça, plus d'enregistrement possible, plus Normal. d'émissions possibles et plus de bonheur pour les gens. C'est ça! Oh. Ouais, 80 balles. Le câble? Ah, le câble avec tout le truc. Purée! Bah ouais. 80 balles! 80 balles. Faut arrêter de manger des pommes! Du coup, j'ai failli prendre une sous-marque qui était à pas cher. Mais partout sur Internet, j'ai vu des trucs. Ça explose et Peu tout. conseillé. Ils ont même ouvert deux versions, une version sous-marque et une version. Voilà, ça, il n'y a pas à dire, la version marque a fait beaucoup plus confiance. Hein, Ah ouais. si j'y repense, je te montrerai Ok, tout à l'heure. repense-y. Voilà, bah écoute, je te propose de démarrer. C'est bon. Ok, bah je te dois combien? Non, mais laisse. Punaise! Ouais. Ah, puis là, ça n'a pas été sponsorisé du tout. Hein. Ah ouais, C'était. bah Ah ouais. oui, là, c'est À sorti qui de. on pourrait demander ça? Ah, personne. J'ai tenté, c'est pas. Ouais. Non, j'ai essayé en disant, ouais, mais quand même, machin. Ouais. Non. Bah tant pis, hein. Bah non. Non mais c'est bien, c'est bien. Bah écoute, félicitations. Bah je t'en prie. C'est un garçon. Tu Ah t'as commencé? intronises. T'es con, toi? Mais quoi? Bah non, Pourquoi? mais... Ouais, bah ouais, non mais écoute. Eh ben, bonsoir, Bonsoir. cher Jack, et Merci. bienvenue à toi, Bah. dans cet épisode 16. Oui. De Road to De la Hellfest! saison 3, De bah la voilà. saison 3. Non, Parce mais que j'y arriverai pas, hein, de toute jamais, je façon. crois que tu y Hein, arriveras pas. saison 4, saison 12, Non, mais c'est 36, pourquoi? Qu'est-ce que tu. 44. Bienvenue dans cet épisode. Eh bien, merci Bob de m'accueillir Voilà. dans mon propre podcast. C'est Ça me fait ça. plaisir. Je te propose un Kling-Klung. C'est pas con. Kling-Klung. Ah, elle est bonne cette petite blague. Attends, je Ah. recommence. Attends. Oh. Ah, elle est bonne cette petite bud. Donc, cette semaine encore, nous remercions notre sponsor Lani, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur le compte Nielam02. Voilà, parce qu'à la dernière fois, elle m'a dit. Donc, maintenant, démerde-toi avec ça. D'accord, et bim. Donc, merci beaucoup. Grâce à toi, on peut boire la King of Beer, qui viendra accompagner cet épisode 16. Encore un gros programme à venir, mais avant Tout à toute fait. chose, Bob, as-tu passé une bonne semaine? Ce fut. D'accord. Ouais. Rien d'exception, rien de différent, rien de. Oh là là! Non, rien de oh là là. T'as pas été voir un concert? Non. D'accord. J'ai été voir deux concerts. Waouh! Oh, dans un, en un. Ouais. C'était pas mal. D'ailleurs, C'était sympa. je voulais te dire, je suis un peu déçu parce que rétrospectivement, tu me l'as assez mal vendu. Ouais, certainement, ouais. Voilà, Mais c'était. je suis pas vendeur déjà, donc. Mais c'est vrai, en même temps, ce que tu dis, tu n'es pas du tout dans le Non, commerce. non, C'est vrai, non. c'est vrai, c'est vrai. Acheteur éventuellement, mais vendeur, non, c'est pas. Non, tu es plus dans le média, toi. Ouais, c'est ça, C'est ouais. complètement ça. Bon, Ouais. pas d'accord. Très bien. Bon, c'est plutôt cool. Ouais, carrément. Bon, bah, je te propose On se perd de. un peu. Et toi donc? Ah, oh, moi? Ah, bah, comme c'est gentil de demander. Eh ben, c'était une semaine, bah, somme toute, assez classique, rien D'accord. d'exceptionnel. Ok. Voilà, rien de bien. Comme un peu depuis le début de l'année. C'est assez. Voilà. Ok, c'est cool. Oui. Alors, je te propose de passer à la rubrique news. Fais Très donc, bien. propose-moi. La rubrique news. Oh putain, ce regard. Ouais, je sais. Je te C'est la laisse. Bah, limite, non, ne ça bois fait pas, les c'est à toi de chocoboules. commencer, en fait. Non, mais je prends ma bière, c'est parce qu'il y a beaucoup à dire. Et du coup, je vais, Bah oui, tu vois, d'accord. Très bien. me désaltérer un petit peu. Beaucoup à dire, beaucoup à La dire. grosse news de la semaine. Nous en parlions justement la semaine dernière en disant que nous n'avions pas de nouvelles de Rammstein. On C'est se vrai. levait, on disait, tiens, Oh, ça tu. fait longtemps qu'on Ouais. n'a pas de Et nouvelles de Rammstein. comme quoi, hein. Eh bien, l'enregistrement aurait été en direct que c'était sûr que le groupe nous écoutait. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'était pas possible. Bah non. Là, c'est juste une grosse coïncidence, en fait. C'est vrai. Hein? Car dès le lendemain du podcast, mercredi donc, À peu près, hein. je peux mettre une petite pause éventuellement. Mercredi donc, le groupe annonce la sortie du premier extrait sous la forme du premier clip dès le lendemain. C'est fou. Non, mais ça se joue des fois, hein. Ah, à trois fois rien. Oh À là là. savoir le jeudi 28 mars 2019. C'est vrai. préfère le rappeler comme ça quand oui, pour les générations futures, dans les capsules et temporelles éventuellement. Voilà, donc le clip intitulé Deutschland, enfin, le clip, le morceau, enfin, le titre, d'une durée non pas des moindres de 9 minutes quand même. Ce qui a dû coûter assez cher. Je pense aussi. Et dans la foulée, le groupe a balancé une info sur la date de sortie prévue pour le 17 mai et qui s'appelle Orio Rammstein. Ouais, c'est vrai. Et bien sûr, aussitôt sorti, aussitôt polémique. D'ailleurs, même avant de sortir, il y avait une polémique. Ouais, Dès le teaser. Ouais, mais les gens sont fous quand même. Alors, on va le faire en deux temps. Qu'as-tu pensé de ce clip, de ce morceau, de l'ensemble ? Alors, c'est du Rammstein. C'est clair. Je ne suis pas un fan de Rammstein. D'accord. Je n'écouterai pas un album entier de Rammstein. Même sous la contrainte d'une arme. Même sous la contrainte d'une arme, si, éventuellement. D'une petite Lucie mal placée, éventuellement, oui. Mais je me dirais non. Je me perds un peu. Oui. Mais ouais, non, après, Rammstein, que dire ? Pour moi, c'est Rammstein, quoi. Ils font du Rammstein. Donc, rien de nouveau, on va dire. Donc, pour ma part, de ce que j'ai entendu. Donc, quelque part, si j'arrive à démêler le vrai du faux, c'est positif. Oui et non, en fait. En gros, si par exemple, là, t'arrivais et que tu disais, moi, je vois bien pourquoi Rammstein, c'est bien, moi, ça me parle pas. Là, t'écoutes ce morceau et tu dis, oui, bah, c'est pareil. Donc, tu dis, c'est bien. C'est ça. D'accord. Et le clip ? Et le clip, bah, je l'ai trouvé super bien fait. Ah, je suis d'accord. Beaucoup d'images. Hein. Il faut vraiment, je pense, le regarder en ultra ralenti. Ouais. Ou en upstime, ou je sais pas quoi. Pour vraiment réussir à bien capter tout. Mmh. Mais ouais, il y a beaucoup d'images qui succèdent et faut pas avoir peur de la crise d'épilepsie, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, bah, pour ma part, moi, en fait, j'ai découvert donc, le morceau avec le clip et j'ai trouvé les deux superbes. Je trouvais que les deux allaient très, très bien ensemble. Le lendemain, j'ai réécouté juste le morceau tout seul. J'ai eu un petit moment de dire, ah, je trouve ça un peu moins... Ça manque de clip. Ouais, je trouvais ça un petit peu moins bien. Et en fait, à le réécouter plusieurs fois, j'ai trouvé le morceau très, très bon, mais exactement comme tu dis, c'est du pur Rammstein. Par contre, c'est fou comme c'est hyper bien produit, quoi. La qualité, c'est impressionnant. C'est même la vidéo aussi est très bien produite. La vidéo, en regardant le clip, ouais, je me suis dit, putain la vache. Oh, par contre, je comprends pas pourquoi les gens ont besoin de faire des polémiques. Alors, soit c'est parce que c'est Rammstein qui a toujours un petit peu frotté le bord de la limite. Non. Et donc forcément, maintenant, chaque chose, on est toujours habitué à ce que ça choque plus ou moins. En fait, moi, ça m'a pas choqué. J'ai un mec au boulot qui est venu me voir et dit « Oh, la nouvelle chanson de Rammstein, t'as vu ?» Je trouvais ça un peu limite. Et j'ai vraiment pas compris, en fait. Moi, à aucun moment, j'ai été choqué, déjà, parce que bah, peut-être, de base, je me choque pas facilement. Mais surtout, je me suis pas dit « Oh, tiens, ils ont essayé de choquer. » Non, ils ont essayé de faire quelque chose qui est à leur image, à leur façon de faire, et c'est leur vision. Et je me dis pas « bah tiens, c'est choquant ou quoi que ce soit. » Après, j'ai vu des trucs bien plus choquants par d'autres artistes, et que ça m'a pas non plus... voilà, je pars du principe, c'est une vision artistique de quelque chose, et que faut pas y chercher une certaine polémique ou quoi que ce soit. J'ai vu une fois, dans une émission de Trax, en plein milieu d'un musée, un Chinois nu manger du verre. D'accord. Apparemment, ah. ça t'a assez marqué. Non, mais je sais pas, où est-ce qu'il y a une limite vraiment au côté choquant, absurde. Non, mais l'art, c'est l'art, quoi. Après, Bah, c'est pour ça en fait. Le truc, c'est que je pense que c'est pas parce qu'ils ont pris des images fortes qui parlent à tout le monde parce que ça rappelle forcément des choses que c'est forcément dans le but de choquer. Alors, oui, c'est fait pour dire quelque chose. Après, à chacun d'y faire son interprétation tant que le groupe a pas, voire peut-être que le groupe l'a fait et a expliqué ce qu'il voulait dire ou pas. Mais sinon, bah, de là à dire oh là là, polémique, tout ça. En fait, je me rends compte que ça m'intéresse pas du tout. La polémique. Ouais, je trouve qu'il y a eu tellement plus d'échanges sur ça que sur le Rammstein en lui-même, quoi. Tu vois, et puis il y a tellement plus important pour l'espèce humaine, je veux dire. Oui, bah ça après. Le clip de Rammstein. Bah oui, non, mais je veux dire. L'humain a besoin de cracher son venin. C'est ça. Bref, moi je suis plutôt impatient d'entendre le reste de ce nouvel album, alors que toi pas du tout. C'est pas que je suis pas impatient. Hein. Après, s'il se trouve que on m'amène à l'écouter. T'as dit tout à l'heure toi-même que t'écouterais pas un album. Non, mais si je suis amené à l'écouter, pas par ma simple volonté. Ma propre volonté. Bah bravo, ça y est, tu viens de t'y engager, mec. fais chier. Pour RTH, t'es obligé. Oh, quel con. Chaque fois, je me fais avoir. Bah, le 17 mai, mon gars. Tu devras écouter qui s'appelle Orio Rammstein. Je suis en vacances, en plus. Bah, ça tombe bien. Tout tombe. T'es en vacances le 17 mai. T'as peut-être pas être en vacances tous les mois, non plus. Eh ben... Ah non, mais si, bah si, j'ai envie d'être en vacances le 17 mai. Très bien. Bon, on passe à la news suivante. Oh bah écoute, ça fait déjà une heure et demie et on peut éventuellement... C'est marrant que tu fasses référence à la semaine dernière, parce que moi aussi, je vais le faire dans ma news avec le concert SEM2 de Metallica, à savoir un concert avec un orchestre philharmonique de San Francisco pour célébrer les 20 ans de SEM1 et qui se tiendra le 6 septembre prochain. Oh, quel jeu d'acteur. Hollywood, j'arrive. J'avais annoncé que beaucoup de fans n'avaient pas pu avoir leur billet à cause de possibles bots ou robots. Bref, le groupe a entendu ses fans et rajoute une seconde date le 8 septembre, avec cette fois une vente réservée aux seuls membres du fan club. Cool. Bon, alors dans les faits, moi je ne sais pas trop ce que ça va changer, mais apparemment c'est pas pareil que la première fois, parce que j'avais déjà l'impression que la première fois c'était la vente des fans qui avait merdé, mais peut-être pas. En tout cas, là c'est une date qui est réservée, il faut être inscrit sur le site, t'as pas le choix, c'est comme ça. Donc peut-être que les gens seront moins déçus. Et c'est plutôt bien d'un côté de voir un groupe tel que Metallica entendre ce que disent leurs fans, ou alors la deuxième date était déjà sous le coude. C'est ça, voilà. Et ils font genre que... Mais bon, en tout cas, il y a eu une petite polémique aussi de ce côté-là, donc ils ont réagi, c'était prévu ou pas, ça change rien maintenant, voilà. Je t'en prie. Ça en fait de la polémique, dis-donc. Dis-donc, ouais. T'en veux une autre ? Je vais t'en donner une autre, moi, tiens. Tu connais Manowar ? Ouais. Manowar, qui n'est jamais avare en sortie de trucs et de choses diverses et variées, profite de sa tournée d'adieu, ou comme on pourrait l'appeler, de sa bataille finale, pour annoncer la prochaine sortie d'une trilogie d'EP intitulée The Final Battle. Et donc, la première partie sortira le 30 mai. Eh ben, c'est fou parce que... Ah là là ! Je vais pas dire que je m'en fous un peu, je vais pas le dire. Mais tu le penses tellement fort que je le lis dans le fond de ta yeux. Non, mais c'est, en fait, ça... Voilà. Ouais. Nevermind. À voir ce qu'il y aura dedans. Peut-être des morceaux récents ou des trucs. Oh, j'ai trop hâte. Tu vois, d'un seul coup, j'ai changé la tendance. Je suis croate. C'est possible aussi. Très bien. Eh bien, je passe à la suite. Ouais. Dis-moi, ouais. Bob. Non. Est-ce que tu te souviens de Frank Carter ? On aime bien, nous. Tu te souviens ? C'est déjà parce qu'il marche sur les gens. Ouais. Et parce qu'il a, comment dire, une énergie communicative en live. C'est vrai, c'est pas faux. Comme une espèce d'animal. Ouais. Qu'on aurait libéré sur scène et qui serait complètement fou. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un petit opossum ? Ah non, moi je verrais plus une hyène un peu. Parce qu'il a un regard un peu fou. Ouais. C'est ça. Bah, bon, on l'a déjà dit ici, mais il sortira son prochain album End of Suffering le 3 mai, ce qui est presque maintenant quand on part du principe que nous sommes le 2 avril. Eh bah, ben c'est ça, c'est presque maintenant. C'est presque maintenant. Le premier extrait, Crowbar, ne nous avait pas trop emballé. Non, c'est vrai. Un peu comme le groupe d'ailleurs. C'est une petite vanne de la saison 2. Non, c'est sympa. C'est drôle. Exact. Un second morceau pour se faire un avis est dispo, Anxiety. Alors qu'est-ce que tu en penses, mec ? qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, je l'ai trouvé très fade. Calme. Ah oh, ouais. Là, moi, j'ai trouvé que j'avais juste. Qu'est-ce que c'était là là ? Il y avait pas. Il y a pas de montée, il y a pas de descente parce qu'il y a pas de montée. Un peu comme Crowbar. Hein. Crowbar est un peu pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc. Et là, c'est vraiment plat tout le long, quoi. Tu crois qu'à un moment il va s'énerver, puis en fait non, il. Ça s'énervouille, quoi. Peut-être que en live, le morceau sera différent, mais pour l'instant, c'est assez calme. C'est vrai. Après, est-ce qu'un groupe doit toujours sortir la même chose ou doit tenter des choses, voilà. Ouais, enfin là, pour l'instant, ça reste quand même deux morceaux plutôt... Alors, le premier m'a plus déçu. Celui-là, je l'ai trouvé effectivement toujours sur le même fil, mais je n'ai pas trouvé ça nul. C'est juste que ce n'est pas forcément ce que j'aime, c'est Frank Carter, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Donc je crois qu'on a touché le point, c'est pas ce qu'on aime forcément chez Frank Carter. Voilà, donc à voir, mais en même temps je me dis que c'est aussi normal d'évoluer, de tenter d'autres trucs. C'est voilà. Ça. Et chez RTH, on aime les mecs qui tentent des trucs, voilà. Et les meufs aussi qui tentent des trucs. Ouais, c'est vrai. Et des fois les chiens. Bah si, un chien qui tente un truc, c'est rigolo. Des fois, enfin, ouais. Moi je préfère les chats, mais bon. Ouais. Enfin, après, chacun. Ah, petit opossum. Chacun voit. Midi. À toi. Du coup, 13h maintenant, parce que c'est. Bah, avec le décalage horaire. C'est ça. Tu sais, comme parfois, c'est difficile de faire un choix. Oui. Est-ce que tu le sais? Oui. C'est bien déjà. Vous avez quoi comme bière? Le doute m'habite. Pour alors, peu. Alors, je comprends ce côté délicat de lire un truc quand t'es pas chaud. Mais là. Plus d'énergie, c'est ça? Ouais, non, un autre. Enfin, ou. Ouais. Un plus, okay. plus de. Jazzy. Jazzy, tu vois. Ah, ok. Le doute s'installe pour peu que tu aies passé une journée pleine de choix à faire. Arrivé le soir, tu as épuisé ta réserve de volonté. Tu te. Pardon. Et te voilà obligé de presque laisser le barman choisir avec un « je te fais confiance hein ». Tout ça pour dire que Rob Zombie demande à ses fans de choisir une reprise à faire en duo avec Marilyn Manson. Toujours dur à dire ça. Voilà, il avait déjà repris ensemble « Helter Skelter » de The Beatles l'année dernière. Voilà. Voilà, c'est un choix difficile à faire, mais il faut qu'il fasse et faut qu'on le fasse pour lui. Voilà. Voilà. Donc faisons-le. Hein, aidons-le dans ce choix difficile. Moi, je propose rien. Moi, je propose. As-tu vu Monte Carlo? Non, je sais. Sacha Distel, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Moi, c'était du Annie Cordy. Écoute, est... on se rapproche à peu près, quoi. Non, en vrai, je suis partagé parce que je vois pas trop le. Bah non, parce qu'après, une fois que le morceau est fait, il y a pas réellement de. De traces, quoi, en disant, ouais, c'est moi que je l'ai choisi. Non, et puis ça sera pas quelqu'un, donc ça sera... Ouais, voilà. Qui enfin... demande à un fan, à la rigueur, tu vois, en faisant une petite dédicace, représente. À voir. Ça se trouve, il a fait une... Je n'ai même pas été plus loin, mais ça se trouve, il a fait une proposition déjà de morceaux, il a dit celui-là, celui-là, celui-là, celui-là. Ouais, ou juste celui-là. Vous avez le choix entre celui-là. Enfin, bref. Ouais. Bon. Écoute. Killwitch Engage, qui n'est pas une association contre la dernière console de Nintendo, mais un groupe que j'aime plutôt pas mal, a terminé l'enregistrement de son nouvel album fin d'année dernière, ce qui déjà remonte. Et c'est vrai que le manque de news se faisait assez attendre pour ma part. Du coup, le groupe annonce avoir écrit 17 chansons et que l'album est en plein mixage, et aussi sélection des chansons, parce que 17 ça fait beaucoup. Combien survivront à ce processus? Alors, si on compte les versions japonaises et deluxe de l'album, je pense qu'on devrait arriver à 15. C'est un pronostic officiel RTH. Parce que moi, j'ai pas peur de poser mes clés sur la table pour pas les perdre quand je m'en vais. C'est ça. Et donc d'oser dire les choses. C'est bien, mec. Alors du coup, c'est un peu simple parce que j'aurais bien aimé un morceau. Donc je vais encore patienter. Mais les gars, faut donner la musique maintenant. Sinon, moi, j'achète pas le CD. J'en ai rien à foutre. Ouais. Ouais, ça paraît logique. Tu vois, je suis un dingue. Ouais, complètement. Voilà. C'est ça. Je t'en prie. Tiens, bah écoute, on en parlait de Robert. Oui. C'est marrant, il y a 5 minutes, qui a du mal à faire un choix. Et c'est pas sûrement à cause de son manque de décision que John Five, le guitariste de Rob Zombie, maintenant, va sortir un nouvel album. Invasion, qui s'appelle. L'album. Oui, pas Rob Zombie. Non. L'été prochain, qui va le sortir en plus. Donc, c'est autant dire que, je veux dire... Alors, si mai, c'est demain, on est sur dans deux jours, deux, trois jours. Ouais, c'est ça. Quasi. Voilà. Non, c'est plutôt parce qu'il n'aime pas s'ennuyer, alors, entre deux tournées, avec son zombie de pote, et, et le temps qu'il met à réaliser des films, aussi. Hein. Bah, il faut bien s'occuper. Pendant que l'autre il va réaliser des films, bah, oui. Bah, pauvre John, il fait quoi? Bah, il fait de la guitare sur Instagram. Ouais. Aussi. Alors, on le voit. Ouais. Je vois beaucoup. Je ne l'ai pas sur Instagram. Ah, je ne l'ai pas, il arrive dans ma timeline, il est en train de faire des. D'accord. Ouais, c'est un peu l'idée. Donc voilà. Hein. Et donc, comme on dit, il faut bien s'occuper. Et comme monsieur aime bien tâtonner de la gratte, comme tu viens de le dire, bah, il en fait profiter les copains. Hein. Un nouvel extrait, Midnight Mass, vient de paraître, le 4e déjà. Et oui. Rien que ça. Oui. Voilà. Alors, t'en as pensé quoi? C'est long comme intro, 3 minutes 45. C'était pas une intro. Hein. Ah, c'est pas une intro, parce qu'il chante à la fin, mais sur les, la dernière seconde. Ah, j'ai pas été jusqu'à la fin alors. Mais il chante ou il parle, je crois, à la fin? Ah, bah il parle à mon avis. Ouais, c'est ça, il parle. J'ai écouté 4 morceaux, mais pas en entier. Il parle au début, Il y a l'intro qui dure 3 minutes 45 ouais. Et il parle à la fin sur la dernière seconde. Mais c'est pas une intro. Hein. Ah, c'est pas une intro. Non, parce que les autres morceaux sont dans le même idée. C'est, c'est des trucs de guitare héros, quoi. Donc, okay, c'est musical, quoi. Donc, ouais, il chante pas. Non. Voilà. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de. Après, c'est quatre styles un peu différents. Enfin, c'est. Voilà. Ok. Bah, j'ai écouté que celui-là. Parce que ne sachant pas que Mr. John avait déjà sorti 4 titres. C'est marqué en même temps. Bah, en tout cas, j'ai pas ça aimé. Ça va mal se mettre. J'ai pas trop aimé ce que j'ai écouté. Ouais, non, bah très répétitif. Non. J'ai trouvé ça très long et très répétitif. Ouais, le morceau non. aurait duré un petit 2 minutes, ça l'aurait fait. Ouais, mais là, 3:45, je trouve ça long. En plus de nous deux, je pense être celui qui a plus l'habitude d'écouter des disques de guitare héros. Ouais. J'en ai bouffé pas mal. Et celui-là, les 4 morceaux, il n'y a rien qui m'a fait un peu. Voilà, qui m'a fait voyager ou pas. C'est. J'ai peur que ça soit pas pour moi. J'y jetterai une oreille quand même, parce que je suis poli. Mais je suis pas emballé pour l'instant. Ouais. J'enchaîne. Fais donc, vas-y. Corey Taylor, chanteur de Slipknot, mais aussi de Stone Sour, mais également tout seul, a sorti une chanson avec le rappeur Kid Buki, parce que, bah, j'en sais rien, et je m'en fous tellement le résultat ne m'a pas intéressé. Mais ça serait une version réarrangée d'une chanson du rappeur. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis pas un grand fan de rap. Je suis pas contre les mélanges, des fois un peu de rap métal, ça peut passer. Mais j'ai pas entendu Corée, ou alors c'est le mec qu'on entend sur les refrains qu'en version totalement trafiquée. Peut-être qu'il a à un moment donné un couplet à lui, mais j'ai pas pu aller jusque là. Donc, est-ce que toi t'as écouté Ouais, j'ai écouté, ouais. Et alors Je crois qu'on l'entend. D'accord. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que je l'ai entendu. Bah, sur des refrains, quasiment dès le début, hein, ouais, dans la première minute, tu l'entends, je crois. Bah, je crois que sur le refrain, c'est lui, mais vraiment, la voix est pas comme d'habitude. Ouais, bah écoute, réécoute-le. As-tu bien aimé ? Ah ouais, moi je suis un grand, grand fan de... De Kid Buki ? Oh, de Kid Buki. Ah, tu vois, on en apprend tous les jours sur les proches que nous fréquentons. C'est ça. Et bah, hey, ça me fait plaisir de le savoir. Tout à fait. Je t'en prie. Machine Head, un groupe qui ne vient plus au Hellfest depuis un bail et qui pourtant occupe pas mal notre rubrique news, va fêter les 25 ans de son album Burn My Eyes. Brûle mes yeux. Pour les pas anglo-philo. Philo-philo. Va proposer une version réenregistrée avec les membres d'origine du groupe, à savoir Chris Kontos à la batterie et Logan Mader de retour à la guitare. Mais également une tournée avec des concerts qui dureront 3 heures. Quand même. Dans ta gueule. Et seront scindés en 2 parties. La première pour tout, ce qui est du plus récent dans le groupe, avec donc Rob, Jared à la basse, ça, qui, plus de nouveaux... Jared, le bassiste, qui n'a pas encore... Attends, c'est écrit petit. Hein. Je vieillis, mec. Il me faut l'air des lunettes. Mais des lunettes, oui. Jared, le bassiste qui n'a pas encore quitté le navire. C'est ça que je cherchais. Plus de nouveaux venus dans la barque. Et la seconde partie consacrée à Burn My Eyes qui sera jouée intégralement. Voilà. Avec Logan et Chris. Exactement. Tout à fait. 2 dates prévues en France, le mercredi 23 octobre à Lyon, dans la salle Le Radiant, et le mardi 29 octobre, toujours à Paris, au Trianon. À noter aussi que la version réenregistrée ne devrait être disponible qu'en numérique. C'est ça. Voilà. Donc, bah, c'est une nouvelle qui m'a totalement mais laissé sans intérêt. Bah là, ouais, je te dirais que pas mieux. En fait, je suis hyper partagé sur le côté intérêt de réenregistrer. Sauf si on en avait déjà parlé, je crois. La semaine dernière, avec une chanson de Trivium. Mouchasse. Donc, à voir, j'écouterai s'il y a vraiment quelque chose de mieux, mais sinon... Est-ce que c'est comme les jeux remasterisés, c'est pareil ? Ah bah là, ça dépend, parce qu'il y a des jeux remasterisés qui sont bien. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Donc, je suis pas... Voilà, je suis moyennement hypé... Bon, en même temps, il faut bien qu'il fasse quelque chose maintenant, Rob. Oui, il faut qu'il s'occupe. Bon, allez. News suivante. C'est formidable. Excusez-moi pour tout ce bruit. C'est marrant que tu parles de Machine Head, parce que moi, je me demandais ce que devenaient les anciens membres. Je suis un grand nostalgique dans le fond bien caché. Et du coup, je vais faire une news sur Sacred Reich, qui sortira son nouvel album cet été. Il s'intitulera Awakening, Un premier extrait est déjà dispo avec la chanson Don't Do It Donny. Et il le répète pendant toute la chanson. D'accord. C'est qui Donny ? À noter qu'un certain Dave McLean, qui n'a aucun lien avec les frites, a rejoint le groupe derrière les fûts. L'ancien batteur de Machine Head a déjà été membre du groupe de 91 à 95. Ce dernier a déclaré « Je suis très excité à l'idée de rejoindre mes frères de Sacred Reich. Avoir l'opportunité de créer et jouer de la musique avec un de mes groupes favoris est quelque chose que j'ai toujours espéré. Je suis impatient que les gens écoutent le nouvel album qu'on a enregistré en février et qu'ils viennent nous voir en tournée 2019-2020. » Voilà qui fait plaisir. Et du coup, c'est vrai que je ne t'ai pas mis le lien, donc je suppose que tu n'as pas écouté. Hein ? D'accord, voilà, très bien. Il y a une autre news qui est tombée dans la journée. Oh, flûte ! Je l'ai fait ou tu l'as fait ? Ouais, vas-y, vas-y. D'accord. Bah, donc, donc c'est les nouveaux groupes annoncés au Motocultor. C'est vrai que ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas parlé. Donc les derniers groupes annoncés à ce jour sont UFO Mammouth, Moustache, Vampilia, The Vintage Caravan, Undead Prophecies et Mars Red Sky. Et il reste encore 12 groupes à annoncer. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu sur quelque chose qui te fait de plus en plus envie, mon très cher Bob ? Oh, mon très cher Jack. Oui, oui, oui. Qu'en est-il de... Ah, ça, c'est sûr. Qu'en est-il de tout ça ? bon, bah, je te dirais comme ça que de but en blanc, oui. Non, c'est intéressant, cette petite vague supplémentaire de groupe. Ouais. Moi, The Vintage Caravan, c'est... Ah ouais ? Ah, j'adore. Ouais. Mars Red Sky, j'aime bien aussi, mais de là à me déplacer pour les voir, non. Mais... D'accord. Ouais, Vintage Caravan, c'est sympathique. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est un petit côté psychédélique, c'est pas mal. Ouais, non, c'est sympa. Franchement, ils ont... C'est vraiment bon, mais bien. Tu vas y aller ou pas ? Ah, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est quoi ? Je te redirai ça, je te redirai ça. Bon, tu seras au courant. D'accord. Enfin, t'es gentil. Je pense. J'aurais un message ou un... Ouais, ouais, ouais, peut-être. Une photo de là-bas. Ouais, en fait. Ben écoute, je te propose. Vas-y, propose-moi. Et je te proposerais bien aussi, dans la même foulée, de passer aux news Hellfest, ouais, qui sont peu nombreuses et qu'on va essayer de faire semblant qu'on a bossé. Je te laisse commencer par The Voice of Hell. Vas-y, vas-y. Le tremplin du Hellfest qui permet aux gagnants. Oh, j'ai failli la foire, celle-là. Rattrapage, un tempestif. Qui permet aux gagnants de jouer en Main Stage 2, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, j'avais un doute. Aussi. A été ouvert le 1er mars. La première phase consistait à juste s'inscrire, à inscrire son groupe, en fait. Le 31 mars, était terminée la phase d'inscription avec 510 groupes. Vache. Qui se joignent à la compétition. Nous entrons donc à la phase 2, à savoir le vote. On peut voter jusqu'à 3 groupes différents, mais une seule fois pour le même, bien sûr. Ça coule de source. Et qui s'appelle Orio. Cette nouvelle phase est ouverte jusqu'au 14 avril où 50% des groupes ayant reçu le plus de votes passeront à l'étape 3, ce qui fait donc 255 groupes présents à l'étape suivante. Et ouais, t'as vu ? À la fin de la phase 3, il restera 50 groupes, soit 10% des groupes qui seront en phase finale. Donc c'est plutôt cool, hein, quand même. Il y a quand même vraiment une chance de... Ouais. Donc moi j'ai pas encore été voté, je vais y aller. Hmm. Je pense qu'on essaiera de suivre quand même un petit peu. Alors si on avait vachement de temps, on irait écouter plus de groupes pour voir ce que ça donne. Ouais. On va, je pense, peut-être attendre déjà aux 50 groupes. Mais. Bah j'attends le dernier, comme ça je. Pour être sûr. Pour être sûr de voter pour lui ou pas. Puis en plus, il faudra sûrement faire une chronique dessus. Donc oui, voilà, en plus. Ouais. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as été voté toi ? Non, pas encore. Ah, est-ce que tu vas y aller ? Oui. Je sais pas, je vais voir. J'en sais rien pour l'instant. Oh putain. Non, je sais pas encore pour l'instant. Je vais aller écouter quelques groupes, mais c'est pas évident quoi non plus pour l'instant. Donc on va peut-être attendre la phase 12. Mais non, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut aller voter. Mais oui, je sais. Oh là là, il est rigolo. Oh. Bon. Donc l'autre news qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'on a un petit peu, alors pas beaucoup, commencé à regarder. Donc ce qu'on vous avait annoncé la semaine dernière, c'est de savoir d'un côté le Metal Corner et le Hellstage qui sont annoncé leur programmation. Donc on s'est un peu plus consacré sur le Hellstage, mais on va quand même devoir revenir. Oh là là, je sens que je vais éternuer. Vas-y. Alors, et donc. Pardon, excusez-moi. Oh, me. Ah bah je suis. J'espère que tu tenais pas. Tu tenais. Ah bah pour lui. Enfin oui, quand même. Enfin c'est pas à moi, mais. Ah mince. Tu me l'as un peu grave pourri quand même. Mais c'était un peu comme ça à la base déjà. Non. C'était neuf. Bah ça l'est toujours. C'était un cadeau d'anniversaire. Bah, pourquoi il est dans la chaufferie le cadeau d'anniversaire aussi? Bah pour le cacher. Ah la honte. Tout bah ça. Maintenant super. Donc on n'a pas encore totalement tout développé, donc comme au final je me souviens déjà plus de ce qu'on a dit qu'on allait faire. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? On allait faire une journée. Fait une journée. Ouais, non, on avait dit qu'on faisait une journée. Donc on fait jour par jour. C'est ça. Et on reviendra dessus ultérieurement. Quand on aura, si jamais on n'a pas tout écouté. C'est ça. Donc on va commencer par le jeudi 20 juin. Et moi, je me ferai part d'un truc que j'ai ressenti tout à l'heure quand je t'en parlais. Je te disais, ça m'emmerde, il y a un truc qui m'emmerde dans tout ça. D'accord. Donc ça commence par DJ Kurgan à 10h du matin pour 120 minutes. Donc c'est un set de DJ qui vient de France. Donc déjà, ça veut dire que dès 10h, il y aura sûrement des ouvertures, voire peut-être même avant. Donc déjà, ça annonce qu'il va falloir être très très tôt au Hellfest cette année. Et je pense que ça va donc être très compliqué. Dès midi 20, c'est Fat Dead Shit qui va enchaîner pendant 40 minutes. Donc c'est du punk hardcore grind de France. Donc ça, on l'a un peu écouté tous les deux. Ouais. Ça fait quand même beaucoup plus punk hardcore que grind, je dirais. Oui. J'ai trouvé ça très sympa, très efficace. Pareillement. Voilà. D'autres choses à dire dessus? Non, c'est sympa. Bon, ils ont un EP de 8 titres, mais après, c'est toujours pareil. Ouais. On développera peut-être un petit peu plus... Quand on aura d'approfondissage. Ouais. Terror Shark viendra à 13h20 pour 40 minutes. C'est du trash hardcore de France. Ça, j'ai pas trouvé... sur Spotify, donc ça doit être ailleurs, faudra aller voir. Ensuite, c'est Height Sins à 14h20 pour 40 minutes, qui est du trash hardcore encore de France. Ça, je te l'ai fait écouter tout à l'heure. C'était rondement efficace, comme on peut dire. Effectivement. Ça annonce du lourd. Ensuite, il y a Mantra à 15h20, encore pour 40 minutes. Donc, c'est du métal progressif de France. Donc là, bien sûr, c'est un autre délire, mais je t'ai fait écouter vite fait les intros, ça avait l'air un peu mou. Alors, une petite question, qu'est-ce que le rock prégressif? Eh ben. Une faute de frappe? Je suis pute. Je suis pute grandement. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça peut exister, il y a tellement de choses qui. Ah, c'est de bon, là, complètement. Donc c'est pas mal, peut-être aussi un peu plus à approfondir. Ensuite, ça sera Time for Energy à 16h20 pour 40 minutes, donc de l'alternative rock de France. Donc on ne vous fait pas le détail de toutes les bios qu'on a et tout ça parce que ça serait très très long. Là ça par contre j'ai pas écouté, toi non plus je crois. Non. As a New Revolt à 17h20 pour 40 minutes France, donc du punk noise rapcore. Ensuite on enchaîne avec Grey Soccer 18h20, 40 minutes encore, l'accordéon métal, ça on en avait parlé très très tôt dans la saison dès qu'on a su qu'il jouait, j'ai écouté très rapidement, c'est effectivement de l'accordéon métal. Ouais cool. Ouais, cool. Ils tentent des trucs. À 19h20 et pour une heure, il y a un concours de air guitare. Donc là, la récompense, ce sera un pass 3 jours pour 2020. Animé donc, par Jimmy Clisson. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Mais apparemment, c'est le maître de cérémonie officiel de la Fédération française de air guitare. Voilà. Ensuite, Rock'n'Roll Wrestling Bash à 21h et pour 120 minutes d'Allemagne, des États-Unis catch. Alors ça, je crois qu'ils sont déjà venus, ceux-là. Ouais. Deux ans, hein. Ça me dit l'année dernière, ouais. Il y a 3 ans. Alors l'année dernière, moi j'ai rien vu, donc c'est possible, mais il y a 2 ans. Il n'y avait rien. On les a vus l'année dernière. D'accord. Ouais, il y a 2 ans, j'ai vu un truc de catch il y a 2 ans. Ouais. Pendant que toi t'étais au bar, en train de discuter avec des potes. Et à 23h30, pour une durée de 60 minutes, Kawaii Bukake, qui vient de France, qui est donc un groupe qui comprend 2 youtubeurs qui ont œuvré pour Golden Moustache et tout ça. Mais ça serait un peu. Réducteur que de dire que ça. Donc, Bio coming soon. Et donc eux par contre ils sont pas non plus sur Spotify, donc je pense qu'il faut aller écouter sur YouTube. Voilà. Donc ce qui m'énervait un petit peu en fait, c'est qu'il y a déjà une grosse affiche. Et on est que le jeudi. Et en face il y a le... Ouais, bah vas-y. On est que le jeudi et en face il y a le Knotfest. Alors déjà c'est un problème pour moi, parce que ça devient trop. Ouais. Ça devient trop parce que le peu que j'ai écouté de ces groupes-là, j'ai envie de les voir, même si le Hellstage n'est pas non plus le meilleur comment dire, endroit pour ça. Ça reste un endroit correct pour voir des concerts. C'est un peu trop ouvert et c'est un peu, ça manque peut-être d'une certaine ambiance concert, mais il y a des trucs que j'ai envie d'aller voir, quoi. Ouais, moi aussi. Et il y a le Knotfest en face, et ça va être dur de faire des allers-retours pour l'un et pour l'autre, voire impossible. Alors ok, il y a Amarante que je me fous complètement, mais Amarante, ça doit être 17h quelque chose. Et à 17h, bah, il y a The New Revolt que je connais pas, mais bon, après, il y a Grey Soccer à 18h20. Et surtout, l'autre problème pour moi, c'est que... Alors ça, c'est un premier problème. Donc là, le jeudi, c'est le Knotfest. J'ai pas regardé trop le programme des autres jours, mais si c'est pareil tout le week-end, ça va vraiment devenir compliqué d'alterner entre déjà trois scènes à chaque fois et cette possibilité de venir là. Mmh. Et là, ça commence déjà à 10h, 10h le jeudi. Alors bon, effectivement, admettons DJ Kurgan, je m'en tape. Mais arriver pour midi, ça va être de plus en plus compliqué, quoi. Je pense aussi, ouais. Donc là, je vois déjà pas trop comment on va faire pour arriver de bonne heure. Alors encore plus bonne heure. Moi, ça me pose. Moi, j'ai peur que l'offre devienne trop. Ouais. Si on arrivait à un niveau déjà où c'est compliqué des fois de faire des choix sur 6 scènes, si vous mettez une 7ème scène possible, et encore, on vous a pas parlé du Metal Corner là. Donc, ouais. Voilà. Donc, on va approfondir un petit peu pour voir ça, mais après, j'ai pas. En même temps, j'ai pas forcément envie de trop approfondir pour me créer des envies qui vont être compliquées, quoi. Tu te rends compte si on se retrouve à devoir dire bon bah non, je vais pas sur une des trois scènes parce que je préfère aller au Hell Stage. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, ouais, c'est parce que c'est un peu fou, quoi. Bon, après tu me diras, là je regarde vite fait, le vendredi ça commence qu'à 17h jusqu'à ouais, jusqu'à 20h. Bon. Donc c'est vraiment, ils ont mis vraiment un truc le vendredi, le samedi 17h pareil jusqu'à 20h, ouais. Donc il n'y a que le jeudi qu'ils ont mis beaucoup de temps. Ouais, puis rien, ils finissent leur petite bio comme As a New Revolt. Ils finissent leur bio, une véritable tornade d'énergie sur scène, à découvrir absolument. Bah ouais. Bah tu fais comment? On est obligé d'y aller. Bah c'est ça. T'as aussi les mecs si vous faites ça, quoi. Bah ouais, c'est pas cool, quoi. Attends, et dis-toi que le samedi, t'as Hypnotic Drive qui est du Power Stoner. Oh. Bah non, mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà, donc là, franchement, ça fait beaucoup. Et c'est bien, on va pas commencer à dire ouais, non, mais là, il y a trop de choses. Enfin, 3 jours, quoi, c'est pas possible. Bah. Voilà. Non, faut espacer, faut faire une semaine. Non, mais en fait. Une semaine, c'est vrai que d'avoir pris conscience que le jeudi était devenu une vraie journée, c'est bien. Ouais, mais là, du coup, ça va pas devenir vraiment une vraie journée. Bah, si, c'est une vraie journée, mais le problème, c'est qu'il y a que le Knotfest en face, en même temps. Ouais, mais bon, si ça ouvre à 10h. Bah, je pense que ça va ouvrir avant pour que les gens puissent aller quand même voir DJ Corrigan. Alors, Kurgan, comme le méchant dans Highlander, s'il te plaît. Ah ouais, je crois que c'était Corrigan. Non, Kurgan. Sois précis, s'il te plaît. Oui. Parce qu'Highlander, c'est du sérieux. Here we are, born to begin, to the planet of the universe. Universe. Na, na, na, na, na. Bon, voilà. Donc voilà pour le jeudi. On reviendra sur les autres jours plus tard et on reviendra aussi sur le Metal Corner un peu plus tard parce qu'on n'a pas forcément eu le temps d'écouter plus. On annonce potentiellement la semaine prochaine pas d'émission. Donc peut-être qu'on aura plus le temps de. C'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que s'il y a moins de groupes le samedi, le vendredi et le dimanche, on aura peut-être vraiment fait le tour. De ça. C'est ça, complètement. Voilà pour les news de du Hellfest. C'était très court, on l'avait annoncé. Je voulais te poser une question. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas acheté des CD? Ça peut arriver, ouais. Non, là, cette semaine. Ouais, j'en ai acheté, ouais. Ok. Donc Bob m'a envoyé un SMS pour me montrer ses achats, à savoir 2 ou 3 albums d'Incinity Alert et l'album de Venom Inc. Donc ma question, est-ce que tu as eu un peu le loisir de les écouter? J'ai eu le loisir de les écouter. Et donc, est-ce que maintenant que tu les as écoutés, est-ce que tu es toujours satisfait de... Bah en fait, je m'étais bien assuré du truc avant sur Spotify. Ouais. Pour être sûr. Et donc? Eh bah ouais, du coup. Donc c'est un petit peu merci Road to Hellfest. Ouais, merci Road to Hellfest. Voilà. Merci Jacques et Bob. Voilà, c'est ça. J'adore et vous voyez, ce que vous faites. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, pour des fois que les gens ils découvrent des choses et que derrière ils disent « Ah, mais on a découvert ça grâce à Road to Hellfest. » Des mecs aussi beaux et talentueux réunis dans une même chaufferie, mais comment c'est possible? La température monte. Oh là là, heureusement qu'on a éteint la chaudière. C'est ça. Car la chaudière maintenant, elle est... Bon. Alors, on passe à la rubrique Not Fest. Attention! Rubrique Not Fest. Attention! Bah vas-y, je te laisse le faire. Vas-y, alors je te sentais bien parti. Non, mais non, parce que j'ai pas capté quand t'as dit attention, ah non, c'était bah... le début. Donc, oui. Attends, je le refais. Rubrique Not Fest. Attention! Derrière toi. Panique. Acteur. On va partir ensemble à Hollywood, je pense. Ça va être la guerre, mec. Donc je disais, attention quand même. Faites attention. C'est vrai. Parce que 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France. À une ou deux près. Ouais, c'est ça. À une ou deux près. Peut-être même, voire 1 ou 2%. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Du coup. Hein. Donc, toujours 10 groupes hein, pour ce mini-festival. 5 groupes américains, 5 groupes européens. Cette semaine, c'est au tour de... Sabaton. J'allais dire Suzuki. Non, c'est Sabaton. Non, c'est Sabaton. Voilà. Alors, t'as préparé quelque chose ? Que dalle. Mais comment tu veux qu'on y arrive ? Mais parce que on va pas y arriver, mec. Je te l'ai dit en plus, hein, dès le départ. J'ai pris sur moi au travail. Au travail, carrément. Ah, bah, j'avais pas le choix, j'avais pas le temps, je t'ai dit. J'ai poussé le PDG. Non, bah, j'ai fait genre discrètement. Prête-moi ton ordinateur. Non, mais je travaille avec un ordinateur. Enfin, T'es sérieux, t'as fait ça vraiment comme ça? Comment je peux te... Allez, c'est que je peux te pourrir, parti. Mec. Vas-y. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je le sens mal, t'es au boulot en plus. Allez. Sabaton. Sabaton. Il moi, était une fois, once upon a time, Sabaton. Cuisinier de formation, Paul Roche, Sabaton, cherche à diffuser ses créations en dehors de son restaurant et construire une fabrique de conserves pour ses plats cuisinés rapidement. Il met à profit son installation pour conditionner ses cèpes, truffes et de la crème de marron. Ça te parle tout ça ? Bah complètement. Hein ? Tu la vois à l'avenue de la bouffe ? La première boîte de crème de marron est vendue le 1er décembre 1909. Eh bé, d'où rajeunit pas. Même. Tu les vois les calèches là, hein, sur le pavé ? Je les vois. Le début d'une grande aventure qui dure depuis plus d'un siècle. Comme quoi, hein ? Ah là là. Sabaton est un groupe de power metal suédois originaire de... Attends une seconde, je comprends pas. C'est quoi le truc que tu nous as lu avant alors ? Tu comprendras mieux. Alors attends. Je te spoil là, mais pas du tout. Non, mais tu comprendras mieux quand. Quand je comprendrai mieux. Quand tu comprendras mieux. D'accord. Voilà. Hein ? Excuse-moi, okay. Je ne t'interromps plus. Parce que c'est Paul Roche Sabaton. C'est le nom du cuisinier. Que... Voilà, c'est ça le rapport. Mais tu peux pas comprendre. Non. Tu peux pas comprendre. Voilà, originaire de Falun, hein, en Dalécarlie. Déjà, ça en impose, mec. Formé en 1999, soit 90 ans après que la première boîte soit vendue. Exact. C'est peut-être ça, le lien. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un saut dans le temps qui se fait, je sais pas, dans en intra, en extra, je sais pas. Les paroles de leurs chansons sont principalement basées sur les guerres qui ont marqué l'histoire. Excepté Metal Machine, le dernier titre de Primo Victoria. Et Metal Crew, dernier morceau de Atero Dominatus. T'as l'air convaincu. Oh bah écoute. À noter qu'après une première démo, Fist for Fight. Le point de la bagarre. Le point de la bagarre. Le groupe enregistre un premier album en 2002, soit plusieurs années après. Mais après 2 ans d'attente que l'album sorte, le groupe lâche l'affaire et décide de sortir leur premier album par leurs propres moyens. C'est des oufs malades, les mecs. Ah bah attends, respect. Et donc, cet album sortira en tant que 3e album du groupe en 2007. Tu vois un peu le truc ? Ah bah c'est un truc de fou. C'est quand même. On en apprend tous les jours. Le chanteur, Joachim Broden, et le bassiste, Per Sundström. C'est ça, hein ? Mais c'est, je suis pute. Mais bien sûr. Sont les deux seuls membres survivants depuis le début du groupe. En 2012, trois membres se barrent pour fonder leur propre groupe Civil War. Ouais. Le mec, il reste un petit peu dans le même thème, quoi. Tout est... Oui, mais voilà. Pas le même musicalement, c'est pas pareil. Ouais. Une news tombée aujourd'hui, mais heureusement sans blessure. La pauvre. L'annonce du 9e album du groupe intitulé The Great War. Tu sais, il reste un peu dans le... Dans la thématique de la guerre. Ou la Grande Guerre qui sortira le 19 juillet. C'est presque demain. Ah oui. En comptant que mai, juin, donc ça après-demain. Après-demain quand même, après-demain. C'est ça. Un disque qui verra la Première Guerre mondiale comme toile de fond et l'artwork plutôt chiadé me donnerait presque envie d'écouter si c'était un autre groupe. Ah bah bravo. Que Suzuki. Et donc, Sabaton, c'est pour moi forcément trop d'albums parce que la guerre, même festive, c'est pas bien. Mais on voit dire 8 albums studio, 3 albums live, une démo, des chars. Et c'est sûr qu'avec Sabaton, le jeudi 20 juin, le Knotfest aura des airs de champ de bataille. Oh. Merci, merci. Ah, mais c'est impressionnant. Merci. Parce que moi, je pensais que t'allais juste dire « Ouais, c'est de la merde et tout. » Et en fait, non. Eh non, moi, je suis un mec, tu vois, plein de surprises. Mais c'est ça, je suis complètement surpris. C'est merveilleux. Et donc, Sabaton, t'en as pensé quoi ? C'est de la merde. Est-ce que t'as... ah, quand même. Ah bah, oh là là quoi, là la là. Surprise fut de courte durée. Tu en as écouté beaucoup ? De quoi ? Bah de Sabaton. Ah oui, Sabaton. J'en ai écouté beaucoup. J'en ai écouté en tout, je dirais une. j'ai dû survoler à peu près 8 ou 9 morceaux de plusieurs albums, et ce qui doit faire en tout une chanson. Ah ouais. Bah, t'as rien trouvé de... Ce que je t'ai envoyé là. Celle-là, sérieux ? Elle est différente, celle-là, je la trouve géniale. Pas du tout. Pas du tout. Elle est pas différente du tout ? Ah, mais déjà, mais elle est pas. Enfin, elle est peut-être pire que les autres ? Mais non, mais tu l'as pas aimée, celle-là. Ah, bah non, je l'ai pas aimée. Ah, pourquoi tu. Bah, je sais pas, je trouve qu'elle sortait du lot. D'accord. Alors, bon, très bien. Alors, on est obligé de faire une comparaison avec le groupe de la semaine dernière parce qu'on est clairement sur le même style. Des claviers, du power metal, du truc épique ou de la musique festive, comme dirait un certain Joe. Voilà. Tu vas pas me dire que c'est pareil que la semaine dernière, quand même. Concernant. Bah, la semaine dernière, Powerwolf. Ouais. Bah, moi, je préfère beaucoup plus Powerwolf que Sabaton. Bah, oui. Tant mieux pour toi. Non, mais. Petite voix aiguë, tu vois. Voilà. Sabaton, c'est pas. Enfin, moi, j'aime pas. Certes, j'ai le droit. Tout à fait, non, complètement. Mais Powerwolf, j'aime moins, mais ça me dérange beaucoup moins. Dans le sens, je peux écouter du Powerwolf, ça m'attend, j'ai plus de mal. J'ai écouté 3 chansons par album. D'accord. J'ai rien retenu de tout ça. J'en suis pas ressorti pire ou moins bien, ça m'a même pas... Même pas grandi. Pas grandi, non. Après, ça fait peut-être partie de ces groupes qui, comme ils basent vachement leurs textes sur des trucs de guerre, c'est peut-être ça où l'intérêt est. Après, musicalement, c'est totalement pas pour moi. Mais à comparaison de styles un peu similaires, parce que je trouve quand même que ça se ressemble, je préfère 100 fois plus Powerwolf. Ah, quand même. Ah ouais, vraiment. Je peux écouter du Powerwolf sans que ça m'embête. Hein. Ouh. Mais, grave. Ah ouais. La semaine dernière, on a dit, et toi-même, t'as dit... En live, Powerwolf, ça doit passer. Mais bien sûr, j'ai dit ça. Oui, mais... Alors que Sabaton, je suis pas sûr. Hein. Ça dépend, s'il y a des chars. Ça peut être attractif. D'accord. Donc toi, en fait, tu te dis, en live, ça va passer. Non, pas forcément. Alors qu'est-ce que tu te dis, putain. Je te dis que Sabaton, c'est pas pour moi. D'accord. Pas du tout. En live, en... Ah, donc en album, en EP, en en cadeau, ouais, en caleçon. Donc Powerwolf un peu plus. Oui, parce que je les ai vus, j'ai eu l'occasion de les voir. Ah. Donc oui, ça. Merci. Ouais. Donc c'est pas pareil. Et puis c'est plus festif Powerwolf. Sabaton c'est festif, mais pas comme Powerwolf peut l'être. Et si on partait du principe que on dit on va voir. Moi j'y crois pas. Mais... Ah, bon, Ouais, on peut voir, mais c'est moi, c'est ça qui me pose comme je me pose comme question, c'est au bout d'un moment, je veux dire, tu fais un album, ok, tu fais deux albums, ok, mais huit, je veux dire, il n'y a pas un moment où le mec il se lasse quand même d'écouter de ça, et puis de jouer toujours sur les mêmes thèmes, toujours les mêmes. Je sais pas. Faudrait Ah, que. les mêmes thèmes, pas forcément, parce que c'est le thème général de la guerre. Après, t'as plein de trucs dedans. C'était nucléaire. Blast? Non. Nucléaire. Bon, j'ai vu. Il y avait nucléaire dedans. Ah, un titre de morceau? Nucléaire War, un truc comme ça, j'imagine. Bon, pas trop de risques. Voilà. Ouais, non, bah c'est vrai qu'il y a. Enfin, quand même. Il y aura encore un titre ou deux sur chaque album. Mais Ah! il y Non, en a plein. moi ça me dérange pas. Ça. Moi, les thématiques, ça me dérange pas. Oui, enfin là, quand même, ça reste. Même les pochettes d'albums. T'en as, je crois, une ou deux qui doivent pas être des trucs de guerre. Ou sinon, c'est des soldats, des machins, des trucs. Ouais, mais encore une fois, c'est vraiment pas un truc. Ça, c'est pas ça. Ça me dérange pas. Si musicalement j'aimais bien, je me dirais pas, tiens, regarde, Iron Maiden, bon, c'est pas toujours la même thématique, mais c'est souvent le même principe de pochette et musicalement ça se ressemble. Donc ça. Eh ben voilà. Le secret est trouvé, Le le voilà, c'est ça, mystère. ben c'est ça, carrément. D'accord. Donc Sabaton, c'est un grand nom. Bon, je sais pas si c'est un grand nom, mais C'est pas du tout oui. pour ma part, c'est pas oui. Bon, moi aussi, je dois dire, je sais pas, c'était pas du tout ma came, mais ce serait un groupe pour Joe, ça, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bah, Joe, il aime bien guincher sur le plancher des vaches, tout ça, c'est son truc. Et du coup, tu m'as soumis une réflexion dans un de tes messages qui était « Je ne me demande pas si je vais revendre ma place pour le Knotfest. » Du coup, moi, je te formulerais ça autrement. En vrai, est-ce que tu n'as pas pris ta place pour le Knotfest quand tu as vu Rob Zombie et Slipknot? Et tu dis « Voilà, c'est tout, ça suffit. Non, je me suis dit, c'est le premier Knotfest. Peut-être qu'ils vont nous proposer quelque chose de différent. C'est pour ça que j'ai pris ma » Bah, place. du coup, c'est différent. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Donc, Non, mais il y a cinq groupes que j'aime bien. Il y a cinq groupes que ça va pas le faire. Donc, Wow. Les comptes ne sont pas bons du tout, mon ami. parce que. Bah, Slipknot, oui ou non? Oui. Rob Zombie, Ouais. Amon Amarth, Ouais. Ministry, Ouais. Sick of It All, Ouais. Amaranth, Non. Powerwolf. Non. Arrête, hein, Waouh, allez, ça va. on est sur plus sur. Oui, Oui, oui, voilà, noir. on est oui. Donc, Sabaton. Ah oui. Ah non, du coup, Ah merde, on non, est c'est sur un vrai. non. Il en reste deux. Papa Roach, t'étais sur un pourquoi pas. Hein. Ouais, mais. T'étais sur un pourquoi pas. Ah là là! Bon, bah écoute. Et j'ai pas le dernier. Qui c'était qu'on a oublié? Behemoth. Oh bah oui ça. T'étais pas contre Ouais, nous. ouais. Donc tu vois, on est sur 8 contre 2. Pour Ah l'instant. bah écoute, pour l'instant, ça gagne, hein. Ah donc tu vois, Bah non, on n'est pas c'est. sur 5-5. Ouais, mais dans ma tête, si, en fait. Oui voilà, mais c'est parce que Mais dans. en vrai, non, en fait. Voilà. Et puis, ouais, ça se trouve, en vrai, ce sera. Ça se trouve, ça bâton, ce sera. Waouh, putain, génial. Bah Et je deviendrai un le gros dernier concert fan. qu'ils ont fait au Hellfest, j'en ai beaucoup entendu parler. Hein. Mais par des gros fans. Non mais en plus il y avait de la pluie donc ça devait rendre quelque Ah chose. ouais, ça fait vraiment. On y croit quoi. Ouais. Moi je pense que la pluie ça joue. Je vais venir avec ma pelle américaine. J'ai une petite pelle au cas où. Bah écoute, hey, tu fais bien de faire ça. Du coup, je te propose maintenant qu'on a fini avec cette partie du Knotfest. Déjà, quel groupe on fait la semaine prochaine? Enfin, la prochaine émission, pardon. Il reste Rob Zombie ou Slipknot. Bon, bah après, n'importe. C'est toi qui choisis, tiens. Bah non, c'est ton truc le Knotfest, j'ai dit. C'est mon truc, le Knotfest. Je sais pas, qu'est-ce que tu. Allez. Ah, la logique des choses, on est qu'on termine par Slipknot, vu que c'est le Knotfest, tout ça. Ok, bah on va faire Slipknot. Voilà, je m'en doutais. Très bien. Non, non, on va faire Rob Zombie. Ah bon, ouais. Rob Zombie. Très bien. Donc, cette fois, on l'annonce. On ne l'a pas annoncé la semaine dernière, mais on avait zappé de le dire. Ouais, carrément. Allez. Le média en bois. Ouais. Donc, en mousse, même je dirais. On va passer aux chroniques, hein, parce que le temps passe, mine de rien. C'est ça, le déjà temps file. 54 minutes. Comme, Donc, voici venu les chroniques. Des chants. Je te laisse commencer. Sur l'île aux enfants. Oui, écoute, ça me fait du plaisir. Et je commence avec Dagobah. Donc, alors, on peut éventuellement je commence se par stopper. Dire, vendredi, Main Stage 2, 17h40, 18h30, avec en face Pestilence et All Them Witches. Donc peut-être que tu nous diras à la fin, vu que tu as aussi All Them Witches, lequel tire tout avant. À fait. Voilà. Je t'en prie. Donc, qui est un groupe français. Cocorico. Cocorico. Wouhou. Yeah, yeah ouais. Cocorico. Ça manquait de conviction, je trouve. Tu me le referas 10 fois. Donc. Donc, c'est un groupe de groove metal, metal indus, death metal mélodique. D'accord. En action, en activité depuis 97. Voilà. Tout simplement. Originaire de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Hey, cher. Ouais, c'est ça. Un petit jaune. Oh, je passe sur les gros clichés. On veut une partie de boule. Ouais. Ça me fout. Oh, le taxi roule vite. Ah, ça fait le cinquième. Olympique de Marseille. C'est ça. The final count. Et donc, alors, les Bouches-du-Rhône, peu cher. Ils sortent leur premier album, intitulé Dagobah, en 2003. Il est suivi par un deuxième album, intitulé What Hell It's About, Is About, en 2006, et un troisième, intitulé Phase Colossus, en 2008. Ils enregistrent ensuite et publient un quatrième opus, Poséidon, en 2010. Le 27 mai 2013 sort le cinquième album studio du groupe, Mortem Nihil Est, ouais, joli, Tolls of the Black Dawn sort en 2015 et le septième album Black Nova en août 2017 avec la nouvelle formation. Donc voilà. Que dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah bon. Bah, très bien. Waouh. On l'a dit. Moi, je suis impressionné. Tellement pas souvent que... Ouais, bah écoute, on va changer la formule. Je me pose. On va prendre le maxi best-of. Je t'écoute. Le groupe Dagobah est formé à la fin des années 1997 à Marseille et où ses membres sont connus au lycée. Ses influences musicales sont entre autres Pantera, Machine Head et autres groupes de métal des années 90. Vu leurs âges, ça reste cohérent. Ils sont alors 5 membres, Shouter au chant, Isaacar, et Stéphane, alias ST, au guitare, Werther à la basse et Frankie à la batterie. Le nom du groupe est un hommage à Star Wars. Eh oui. Tout à fait. Il évoque le nom de la planète Dagobah avec un H où vit le sage Yoda. Dans l'épisode 5, vers la mi-98, avec l'arrivée au sein du groupe de Frankie Constanza, la nouvelle section rythmique apporte aux compositions du groupe des éléments beaucoup plus métal. Une double grosse caisse plus présente et un accordage de guitare bien plus grave, ce qui leur permet de privilégier la puissance des sons forts. Le groupe enregistre alors 2 démos à Istres chez Thierry Lalin. Fameux Titi. Sacré Thierry. Bien accueilli par la presse et enchaîne un bon nombre de dates dans la région PACA. Se formant ainsi une bonne notoriété dans le metal underground. Au début de 2001, Dagobah signe sur le label Anternaut et enregistre son premier EP, Release the Fury, au Digipack et au clip remarqué pour une première production distribuée par Edel. Sony Release the Fury reçoit un accueil encourageant. Fin de l'année 2002, le second guitariste Stéphane quitte le groupe. En 2003, ils continuent à 4 et sont désormais distribués par EMI. D'accord. Voilà, ta colocatrice. Signé sur Anternaut. C'est à ce moment qu'ils sortent leur premier album intitulé Dagobah. L'album est très bien reçu par la presse et le public français. et même noté 16 sur 20 hein, pour, sur métallurgie.com. C'est vrai qu'il était bien. C'est vrai. Et Dagoba enchaîne les concerts dans toute la France et à l'étranger. Voilà. En février 2006 sort What Hell Is About. Lui aussi bien accueilli par la presse spécialisée, 16 sur 20 sur métallurgie.com. Une référence, ce métallurgie. En août 2017, Dagoba tourne un clip pour la chanson The Thing Within. En 2007, Showalter apparaît sur l'album Trinité du groupe de hardcore français The Arrs, A-R-R-S, sur le morceau Interlude à la guitare acoustique. La même année, il participe au remix du morceau Besoin du groupe de New Metal français. Voilà. En mars 2008, le groupe annonce sur leur forum l'approche d'un nouvel album encore enregistré avec True Madsen qui sortira le 29 septembre 2008 en Europe et le 14 octobre 2008 aux États-Unis. La pochette de ce nouvel album est réalisée par Cecil Kim, concepteur du jeu vidéo God of War. Oh. Le 10 octobre 2008, le très attendu album sort et il est intitulé Phase Colossus. En mars 2010, Dagoba signe sur le label 8, pardon, Bis Records, 8 Bis Records, label qui a signé Nine Inch Nails, Lord Blast et Esprit du Coin. D'accord. Entre autres, le Quatuor retourne à l'Hyperion Studio afin d'enregistrer son quatrième opus, Poséidon. L'album est enregistré par l'ingénieur du son officiel du groupe, Bruno, Brou, Varea, Brou, entre guillemets, et mixé par Dave Chang, Earthrone 9, Stamping Ground, Orange Goblin, entre autres. L'album sort le 30 août 2010. Ils savent s'entourer, les mecs. Hein. Oh bah. Le 22 juillet 2010, Isaacar annonce son départ du groupe. Yves Terzibatchian, alias Z. C'est mieux. C'est plus simple. The Coyote Desert, ex-Where Engelsdar, ex-Kaedes, devient le nouveau guitariste. Le 27 mai 2013, sort le cinquième album studio du groupe, Postmortem Nihil Est. D'accord. On me l'a offert. Cool, sympa. Ils sont sympas les gens des fois. Ben, grave. Cet album sera produit par Logan Mader directement à Los Angeles. Logan Mader, ex Machine Head. C'est ça. On en parlait tout à l'heure. Exact. Quelques jours plus tard, un clip vidéo est diffusé pour le titre The Great Wonder. En novembre 2013, le groupe décolle pour les États-Unis où il entame sa première tournée américaine avec Dear and Grey. Le 20 février 2014 sort un second clip vidéo pour le titre Yes We Die, issu de leur cinquième album Post Mortem Nihil Est. Le 23 avril 2014, ça en fait de la date, on a le choix, le groupe annonce qu'il partira en tournée européenne avec Epica et Dragon Force. Ça va pas du tout ensemble, mais d'accord. C'est ce que j'ai dit, le style est totalement différent. Le 22 juin 2015 sort Tolls of the Black Dawn. Sixième album studio du groupe, l'album permet au groupe de partir en tournée européenne avec Moonspell et de jouer pour la première fois de sa carrière au Wacken Open Air 2016. Le 25 mai 2016, un communiqué officiel annonce l'éviction de Frankie Costanza et de Yves Z. C'est Nicolas Bastos, l'esprit du clan Deepin 8, à la batterie, et Jean-Laurent Ducroisé, Explore Yesterday, à la guitare, qui rejoindront le groupe en juin pour terminer la tournée. Le 25 août 2017, et on arrive sur la fin, sort le 7e album studio du groupe, Black Nova. Cet album est produit par Jacob Hansen et Pika Volbeat. Au Danemark, le groupe signe pour la première fois chez Century Media Records pour une distribution mondiale de l'album qui sort chez Sony Music Epic Live, j'imagine, faute de frappe. L'accueil est excellent. Passe de 2 crans, passe à 18 sur 20 pour le site frenchmetal.com. Et là, c'est plus métallurgie, c'est frenchmetal.com. Entre autres, et il y a de très bonnes critiques internationales. En parallèle, le groupe a l'occasion de faire sa première tournée au Japon. En 2017, le 26 décembre 2017, JL Ducroisé quitte le groupe et est remplacé par Richard Demello, guitariste de Deluge. Le groupe participe à une tournée européenne avec Creator et Vader en janvier 2018. Putain, passer de Deluge à Dagoba, c'est... Ouais. Donc voilà. D'accord. Tout simplement. Et donc, qu'en as-tu pensé ? Alors, pour ma part, comme j'aime à le dire, j'ai bien aimé le premier album. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Moi, ce qui me gêne, c'est toujours ce petit son électro qui vient. Ça, de c'est... plus en plus. En ouais. plus ah, j'ai écouté le dernier. Je me suis dit, tiens, j'ai écouté le premier, j'ai écouté le dernier. Et je me suis dit, oh putain, il y a trop d'électro. Donc je me suis dit, je vais essayer de voir à quel moment ils ont rajouté autant de. Et du coup, je crois que sur le deuxième, déjà, ils commencent à. Bah, c'est, en fait, rajouter. C'est vraiment crescendo. Ouais. Hein. C'est vraiment crescendo. Et du coup, le premier m'a vraiment plu. Le deuxième. M'a plu, mais sans plus, et après, ça m'a un peu perdu, quoi. Bah, ce qu'on avait déjà dit, en fait, quand on avait parlé de la sortie du dernier album, et ouais. moi, j'avais été un peu embêté à cause de trop de sons électro pour moi, encore une fois. Ouais. Après, à côté de ça, c'est hyper bien produit, c'est hyper propre, et c'est... Ah ouais, complètement. Ça sonne super bien pour un truc qui est français, alors, je veux pas dire ça d'un côté péjoratif, mais en termes de production, et même de songwriting, j'ai envie de dire, c'est vachement différent de ce qu'on peut entendre quand même. Ouais. Donc, et mais je suis pas sûr que le côté électro rajoute autant de qualité que ça, quoi, sur le groupe. Non, je pense pas. Je pense que rien que musicalement, déjà, ça suffirait, quoi. Bah, parce que les mecs font bien le taf, quoi. Et donc, alors, dans l'ensemble, tu dirais quoi ? T'as aimé ? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que musicalement, j'aime bien, mais c'est toujours ce côté électro qui m'empêche d'écouter. Le groupe, comme je pense que je pourrais apprécier s'il y avait pas ces petits morceaux de c'est chiant, c'est tout le temps, c'est ça, répétitif, et moi ça me gêne, et du coup c'est ça qui m'empêche d'écouter, parce que sinon musicalement et au niveau de la voix, j'aime ça le fait, quoi. C'est d'ailleurs Shooter qui compose tous les morceaux. Ouais. Donc, est-ce que tu les as déjà vus en live? Non, je crois pas. Et tu sais que tu vas les voir bientôt? C'est oui, voilà. Tout à fait. Donc, eh ben, c'est l'occasion. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Non. Et toi ? Non, à part que l'album qu'on m'a offert, qui est donc le 4e, je crois, du coup, dans ce que tu as dit. Ouais. Eh ben, je l'ai peu écouté, hein, parce que... En fait, autant j'aime bien le démarrer, et après, je décroche un peu à cause de tout ça. C'est lequel, tu veux ? Post-mortem Neil Hest. D'accord. 2013. Un cadeau de Joe. Ah, mais je t'aurais offert du Sabaton, moi, étant Joe. Ah bah non, mais à l'époque, il connaissait pas. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Très bien. Donc, un groupe, en plus un groupe qui joue à Main Stage le vendredi. Enfin, on verra avec, tout à l'heure, ton autre chronique, ce que ça va donner. Tout à fait. Je passe à l'une des miennes. D'accord. Donc, je passe à Sonata Arctica. Qui passe le vendredi en Main Stage 1 de 13h35 à 14h15. Et en face, il y a UADA et The Drive. Ouais. The Drive, pardon. Ouais. Donc, je crois que. Alors, UADA, je ne sais plus si je l'avais fait ou pas, je crois. J'ai un doute. Je me demande. Ouais. Mais The Drive, c'est sûr que je l'ai fait. Ouais, bah oui, la semaine dernière. Mais UADA, je crois que je l'ai fait aussi. Donc, Sonata Arctica est un groupe de power metal finlandais originaire de Kemi, en Laponie. Et créé en 96. Initialement, c'est comme groupe de hard rock sous le nom de Tricky Beans que le groupe a commencé à se faire connaître. C'est à leur passage au power metal que le groupe a décidé de changer de nom pour Sonata Arctica, que je traduirai par Sonate Arctique. Ouais, c'est pas mal. Après, je n'ai pas trouvé de traduction. J'avais pensé à Route Tracteur, mais je crois que le tien est mieux. Mais bon, je garde le tien au cas où. Hein? Ils utilisent également quelques éléments de métal symphonique, puis dans leurs derniers albums, quelques éléments de métal progressif. La bascule se fait en 2007 avec la sortie du 5e album, Fini le Power Metal, à savoir des rythmes rapides avec une batterie très portée sur la double pédale, et donc symphonie et progressisme. D'ailleurs, tout au long de leur carrière, le groupe a essayé de changer tout en rassemblant les anciens comme les nouveaux fans. C'est pour ça que tu peux retrouver sur le 7e album le premier single Have a Right, plutôt pop rock, et même un morceau de country metal avec Cinderblocks. Wow ! Ouais. Les mecs, ça tape. Sur le 8e album, selon les dires du groupe, ce sont des mélodies revenant au style original, basées en grande partie sur leur animal totem, le loup. Ouais, une douce. Ouais, j'aime bien. Tu préfères une douce ? Ouais, je préfère une douce. Donc sur animal totem... Ah, oh, tu m'as perdu. Le loup. Et pour le 9e album, paru en 2016, là, il mixe tous les styles de la discographie du groupe. Je vous en remercie. En 2019, le groupe recense un total de 9 albums studio, 4 EP, 4 concerts, VHS, DVD, Blu-ray et 2 compilations. À noter 3 petites choses. La première, le groupe a été nommé en 2000 aux EMA Awards, équivalent des Victoires de la musique, mais en Finlande. Donc nommé pour EMA Award de meilleur groupe et 2004, une nouvelle fois, pour meilleur album métal. Mais ils n'ont pas gagné. La seconde chose, c'est que le groupe a aussi fait pas mal de reprises avec Die What's Your Button d'Iron Maiden, Fat to Black de Metallica, Still Loving You de Scorpion, I Can't Dance de Genesis et plusieurs autres un peu moins connus, enfin un peu moins répertoriés dans le registre. Et pour finir, quand j'ai tapé Sonata Arctica dans Google, le premier résultat est un fan site français, sonataarctica.fr. Un petit salut les gars. Et oui, mon con, un site qui a été créé, je cite, en 2004, dans le but d'offrir aux fans un site à la fois complet, convivial et en français sur le groupe. Et c'est sur le site que j'ai pu découvrir que le 3 décembre dernier, le groupe annonçait avoir fini la première partie d'enregistrement du prochain album. Donc, un futur nouvel album en préparation pour Sonata Arctica. Et qu'est-ce que j'en ai pensé du groupe ? Bah, j'ai pas aimé, hein. J'ai vraiment essayé. En fait, c'est marrant parce que dans les années 2000, quand j'achetais pas mal de CD et que je commençais à acheter du rock hard aussi, j'ai été très marqué par la sortie d'un album de Sonata Arctica parce qu'il y avait une pochette qui mélangeait à moitié deux saisons, l'hiver et le printemps ou l'été. Enfin, je me souviens vachement, visuellement, la pochette m'avait beaucoup marqué. Il y avait un titre sur le rock hard que j'aimais bien, mais pas assez pour avoir acheté l'album. À l'époque, un seul son suffisait pour acheter l'album et je découvrais l'album après. Et je ne l'avais pas acheté, mais visuellement, il a toujours été resté quelque part en moi. Et là, donc, j'ai pu le réécouter et je ne regrette pas de ne pas l'avoir acheté. En fait, effectivement, comme j'ai pu le dire dans ma chronique, le groupe s'essaye à plein de trucs différents et essaye de toujours... Il y a toujours un ou deux morceaux qui essayent de ramener les anciens fans. Donc, regardez, on n'a pas totalement changé. Et puis, ils tentent des choses et ça, c'est bien. Mais c'est beaucoup trop mou pour moi. Même la partie power metal, elle est trop... C'est vraiment... un groupe aseptisé, je trouve. Ouais. Tu vois, j'ai essayé même de regarder des lives et le groupe est. Ouais, c'est... Moi, ça me fait penser à un groupe pop, quoi. J'ai l'impression en fait, qu'ils cherchent à toucher un public. Alors, attention, ça va faire péjoratif, mais ça ne l'est pas dans la manière que j'essaie de dire. J'essaie de toucher un public un peu plus féminin, quoi. J'avais un peu l'impression que c'était le Nickelback du power metal. Ah oui, d'accord. Dans l'idée, ouais, c'est pas okay. Pour faire une comparaison, c'est voilà. Ouais. Moi, ça ne m'a pas parlé, j'ai pas kiffé. Je reconnais qu'ils ont tenté plein de choses, qu'il y a plein de trucs différents, donc ça c'est bien. C'est pas du tout pour moi. Et donc, comme tu as dit qu'en face il y avait Wada ou The Dwarves, bah, à première vue, je suis plus quand même coup de pied dans les dents, donc j'irai plus voir The Dwarves. En plus, ils passent en Manchester, donc c'est à Antarctica, donc il y a quand même peu de chances que je m'y arrête. Donc j'ai pas kiffé, mais c'est pas grave. Je dis pas que c'est nul, je dis que c'est pas pour moi, hein, d'accord. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment fort amusant que le premier résultat dans Google soit le site de fans français avant le site officiel du groupe. Bah ouais. Voilà ce que j'aurais pu en dire pour Sonata Arctica. Ok. Voilà. Merci à toi. C'est un plaisir. Oh bah écoute, c'est un plaisir partagé. Arrête. En 12. Toudoudoudou. Fleur. Pustule. Mal. Femelle. Peinture. Toile. Scotch. Blanco. Ouais. Pas à mal. Pas mal, pas mal. À toi. Alors, donc, mon deuxième groupe était The Descendants. Enfin, pas The Descendants, c'était Descendants, tout court. Descendants, qui passe le vendredi en Warzone de 22h25 à 23h55, une petite heure, avec en face Hellhammer et Manowar, donc du lourd. Attention, mon gars, t'as l'histoire du métal et du black metal d'un côté, t'as Manowar, l'histoire du slip metal. Ouais, du slip metal. Ouais. Attention, hein. Je t'en prie. Slip metal, ouais, c'est pas faux. C'est bien résumé. Alors, Descendants, qui est un groupe américain de punk rock, punk hardcore, hardcore mélodique et pop punk. Donc, leurs années d'activité sont assez diverses et variées. Ils ont commencé en 77. Voilà. 77-83. petite pause. 85-87, re-petite pause. 95-97, re-petite pause. 2002-2004, re-petite pause. 2010 à maintenant. Voilà. D'accord. Donc là, ils sont encore en pleine activité. Ah bon. Non, ils sont encore en activité. Ah, ouais, jusqu'à. Ouais, ils, donc, c'est quand t'as dit jusqu'à maintenant, toi, c'était pas clair. Ouais, non, ils sont encore en activité. Donc, de 2010, ils ont repris leur activité en 2010 et ils sont encore dedans. Là, jusqu'à... Ah, bon, ça va. Donc, 2010. Là, ouais, non, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Bah, ouais, non, c'est... là, c'est bien. C'est bien. C'est fou. Bravo, les gars. Donc, voilà. alors, le début des Descendantes se font en 77, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est un vieux groupe. Hein. Quand Frank Navetta et David Nolte, rien à voir avec Nick, non, c'est vrai. Enfin, je sais pas. De The Last, commencent à jouer ensemble. En 78, Bill Stevenson, un ancien camarade de classe de David Nolte, rien à voir avec Nick, toujours, rejoint le groupe à la batterie. Les membres du groupe rencontrent alors le bassiste Tony Lombardo. Oh, rien à voir avec l'autre. Avec l'autre. Qui rejoindra le groupe. Nick Nolte, rien à voir avec David, non, c'est David Nolte, quitte le groupe pour se consacrer à The Last, son groupe de base en fait. D'accord. Au début, la formation est donc constituée de Frank Navetta à la guitare, Tony Lombardo à la basse et de Bill Stevenson à la batterie. Lombardo et Navetta se partagent la tâche au chant. D'accord. Pourquoi pas. Écoute. Je suis pas raciste. Moi. Le groupe sort le single Ride the Wild en 79. Ça date, hein. Mais j'ai oublié de préciser que c'est un groupe qui venait de Los Angeles. En même temps, ils ont commencé en 77, donc 79, c'est pas déconnant. C'est ça. Donc, au fil des concerts, les membres du groupe font la connaissance de Milo Åkerman, qui deviendra rapidement leur plus grand fan. L'intimité entre le groupe et Åkerman grandit. Il commence à être invité aux auditions, et c'est naturellement qu'il devient le chanteur en 81. Un fan qui devient chanteur du groupe. C'est cool. C'est sympa. Sympa. Le premier disque issu de cette nouvelle formation sera un EP intitulé Fat EP, qui réunit à la fois les morceaux du single Ride the Wild et du nouveau morceau chanté par Åkerman. Et des nouveaux morceaux chantés par Åkerman. Milo Goes to College, leur premier album est enregistré et paraît en 82. D'accord. Donc, en fait, Milo, c'est justement Milo Åkerman, le chanteur. D'accord. C'est cool. Deuxième période, 85 à 95. En 85, ça va, ça brasse large, ça fait 10 ans, donc on est large. Donc en 85, Stevenson quitte Black Flag. Et lui, Åkerman, Cooper et Lombardo décident de reformer Descendant pour I Don't Want to Grow Up. Enregistré en avril au Music Lab Studio d'Hollywood à Los Angeles, en Californie, sur la planète Terre. Dans cette galaxie. Dans cette galaxie. Ouais. Avec le producteur et ingénieur du son David Torling, et publié par New Alliance Records. Après 3 tournées en soutien à I Don't Want to Grow Up, le groupe enregistre Enjoy en mars et avril 86 au Radio Tokyo Studio de Venice en Californie. Le batteur Bill Stevenson sera à la production de l'album aux côtés des ingénieurs son Richard Andrews et Ethan James. La couverture de Enjoy est dessinée par le guitariste Ray Cooper sous le pseudonyme de Scoop Drawlings. Je sais pas si tu vois la pochette de Enjoy. Pas du tout, mais je vais la regarder en direct comme ça. C'est un rouleau de PQ. D'accord. Voilà. Et il l'a signé quand même. Ouais ouais, mais sous un autre nom. Le groupe joue en soutien à Enjoy avec une tournée en été 86. Après cette tournée, Carrion et Cooper quittent le groupe et sont remplacés par Carl Alvarez et Stephen Egerton, respectivement du groupe local de l'Utah Massacre Guys. En 87, New Alliance est racheté par le label SST Records, qui rééditera Enjoy sur cassette audio. Et oui, cassette audio. La vache, oui, c'est pas compact plus. Disque. Compact disque. Et compact disque. Ces deux rééditions comprennent les chansons Orgafart et Orgo 51. En 87, le chanteur Milo Åkerman prend une pause pour poursuivre sa carrière dans la biochimie. Les membres restants lancèrent un nouveau groupe appelé Hall, avec Chad Price et Scott Reynolds au chant. Le style d'Hall est ainsi très proche de celui de Descendant, même si Åkerman prend parfois des pauses pour rejouer avec les Descendants. Bonsoir. Entre les deux groupes, voire jouer tous les deux en même temps. Les deux groupes jouent en même temps, c'est pas évident. Comme à l'occasion de l'album Live Plus One. L'album s'appelle Live Plus One. Donc j'avais compris. D'accord. Non, c'était au cas où, je préférais préciser. Je te suis. Le 16 décembre 87, Pat McQuestion décède pendant une tempête. D'accord. Non, mais c'était comme ça, pour préciser qu'il était mort lors d'une tempête. Merde. Voilà, donc en fait, de 95 à 2003, on n'a pas trop de news. Hein. Il n'y a rien de très... flagrant. Voilà, précis. Et pareil, pour depuis 2004, en fait. D'accord. Rien de bien... folichon. Clair. D'accord. Voilà. Donc, ils ont quand même un sacré paquet d'albums. Hein. Toutes les pauses. Ouais, malgré toutes les pauses, ouais, ils ont pas mal d'albums. Ils ont deux ou trois lives, je crois, de mémoire. Ouais. J'ai pas tout ça sous les yeux. Et ils doivent avoir sept albums, je crois, six de sept albums. Oh, ça va. Ça va, c'est plutôt correct. Ça va, il y en a qui ont fait qu'un album en 40 ans. Qu'est-ce que t'en as-tu pensé de... Bah, en fait, Descendants, je connais depuis des années. J'ai commencé même... mon époque punk avec ce groupe. Ah, donc tu connais bien. Ouais, parce que j'avais des compiles d'Epitaph Records qui s'appelaient Punkorama. Ouais. Avec notamment Rancid, Lugwagon, No Use for a Name, j'en passe bien, et voilà. Et il y avait aussi Descendants, NoFX, qui c'est qu'il y avait d'autres, Melancholine, tout ça, des groupes comme ça. Sum 41 Non, pas Sum 41. Offspring Non, pas Offspring. Non, il faisait pas partie d'Epitaph Records, justement. C'est avec les meilleurs qui font partie d'Epitaph. C'est bizarre, c'est pour ça. Ils ont dû y passer. Ils ont peut-être raté. Ouais, tu crois? Bon alors, et donc, t'aimes bien? Mais non, en plus, Sum 41, ils ne sont pas canadiens. Si. Ouais, donc c'est pour ça. Aucune raison. ça justifie, je trouve. Ouais, en fait, j'ai découvert, oui, Descendants avec Coffee Mug. D'accord. Qui est un morceau qui doit durer... moins d'une minute, qui est ultra speed, qui est sur je ne sais plus quel album. Ah, c'est mon préféré, celui-là. Ouais, je l'adore aussi. Et ouais, non, j'aime bien, non, franchement, Descendants, toi, c'est en fait un. Pas un classique, mais c'est un groupe très très réputé dans le. Ouais. Dans la mouvance punk, on va dire, Ouest-Amérique. West Coast. La West Coast. Et du coup, ouais, non, c'est très sympa. Ah, donc Je préfère, comme beaucoup de choses, je préfère la première... Les trucs réchauffés. Ouais, carrément, comme le cassoulet, les pâtes. Mais il faut faire attention, parce que les pâtes et le riz, ça crée une bactérie quand... Ah bon ? Bah oui, c'est Dani qui nous avait dit ça. Oui, mais non ! Ah, d'accord ! Non, parce qu'on peut mourir à cause des pâtes. Bon, bref. C'était hier, le 1er avril. Donc, voilà. Oui, donc t'es plutôt... Donc, tu préfères plutôt... En fait, j'aime beaucoup, justement, Milo Goes to, Goes to College, le premier album, qui sonne vraiment très punk. Il date de 82. Qui sonne vraiment très punk brut de décoffrage. Ouais. Il sonne moins pop-punk. Et moi, je suis un peu moins fan de tout ce qui est pop-punk. J'aime beaucoup aussi Everything Suck qui est sorti en 96 et c'est celui-là que j'ai découvert Descendants. J'ai écouté Enjoy pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai écouté quasiment en entier, c'est à la limite de l'expérimental, hein. C'est très c'est assez chelou. Il y a un morceau que j'ai pas pu l'écouter en entier, j'ai été obligé de d'avancer parce que ça me parle pas. Mais ouais, en fait, ils jonglent un peu entre punk rock pur et dur et pop punk. Tu vois, et c'est un peu ce côté-là qui me plaît moins, on va dire, dans leur façon de faire. Mais leurs morceaux punk, je les trouve géniaux. Donc, après, voilà, c'est un peu comme Bad Religion, c'est pareil, ils ont des morceaux un peu plus tranquilles, ballades. Et ça me plaît moins que leurs morceaux plus punk. Voilà, donc. Donc il y a des chances qu'on te voit devant alors. Ah, complètement. Complètement. Complètement. Dire, oui. Non, c'est à 100%. À la Hammer et Manowar, non. Bah, je regrette un peu Manowar parce que. Ouais, je suis assez. Sleep, tout ça, ça me parle. Bah, quand même. Sleep à fourrure en plus. Oui. C'est ça qui. Non, et puis surtout que tu les verras plus jamais, Manowar. C'est ça. Mais en même temps, Descendante, peut-être plus jamais non plus. Bah, c'est ça, 77, les mecs. Hein. D'accord, très bien. Donc, tu seras devant. Et est-ce que tu pourrais acheter des CD, du coup, vu que t'aimes Ouais, c'est prévu, ouais. Ah, d'accord, c'est prévu. Ouais. Donc, en fait, cette chronique t'a redonné envie. Enfin, cette, Ouais, ouais, complètement. Bah, ça m'a permis de redécouvrir Descendante, en fait. Que t'avais un peu perdu de vue. Ouais, depuis. Complètement. Ouais. Très bien. Que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps, parce que je me remettais les Punkorama, et du coup, Coffee Mug. Sans savoir, parce que je l'écoutais, j'adorais ce morceau, mais il passe tellement vite que t'as à peine le temps de savoir. Ouais. Putain, c'est trop tard. Aïe, enfin, en même temps, si t'as le CD, il suffit de regarder le. Oui, non, mais je comprends. Oh, c'était la blague. Merde, ah. Putain. Pardon. Ah, t'es pas sympa. C'est vrai, je suis pas sympa. Et donc, là, du coup, bah, l'avoir redécouvert, je me dis, ah, c'est cool, c'est ça, et du coup, voilà. Avec le morceau que j'avais posté aussi. Oui. I'm the one. Voilà. D'accord. Qui est un morceau que tu devais connaître, j'imagine. Eh ben oui, mais il y avait. J'ai écouté un petit peu, il y a des morceaux que je connaissais déjà. Ben oui. Étonnamment, sans savoir que c'était. Quand j'ai fait écouter à parcimonie, non, je connais pas. Bon. Très bien. Bah, je passe à mon autre groupe. Mmh. Alors, je vais passer à Decide. C'est marrant, ça, quand même. Ne ris pas. Eh oh. Tu fais le truc ou je fais le truc? Ah! Je suis désolé. Attends, c'est toi qui as lancé cette Ouais, non, moi, justement. Je te suis. Hein, je trouve ça très bien, justement. Ah bah, très bien. Allez. Alors, qui passe le dimanche sous Altar, ouais. De minuit à 1h, mm. Pour un set assez large. Mm. En face, il y a Tool. Ouais, ouais, ouais. Et pas loin à côté, il y a Phil Anselmo and the Hill Girls. Alors, on peut déjà dire avant toute chose que c'est très mal barré, comme il y a Tools. Voilà. Il ah, y a des fans de Decide. Hein, des oh fans non, mais ah, bah, hein. Attention, c'est juste qu'il y a Tools. Donc, bah, Tool, ouais. Pas non plus décalé. Alors, Decide est un groupe de death metal américain originaire de Tampa, en Floride. Ce qui n'est pas nouveau chez Road to Hellfest. On a souvent des groupes de Tampa, en Floride. Ouais. D'abord appelé Amon, oui, comme Amon Amarth, mais sans le Amarth. Le groupe s'est formé en 87. Après deux démos, le groupe choisit son nom définitif et sort son premier album éponyme. Donc un album qui se nomme Decide, pas éponyme. C'est pas Deftones. À noter que le groupe a vendu 400 000 exemplaires de son album Légion, ce qui est un record dans le death metal. Decide se proclame sataniste et le thème de toutes leurs chansons est opposé au christianisme. D'ailleurs, ils sont interdits de jouer dans de nombreux endroits. Le bassiste et chanteur Glenn Benton se fait marquer au fer rouge une croix inversée sur le front. Parce que quoi de mieux pour être sûr de ne pas trouver un travail de merde que de devoir rester un musicos. Parce que c'est vrai que ça doit quand même être problématique pour chercher du travail. Je pense, ouais. C'est comme dans les années Charles 90, Manson, il fut invité dans une émission de talk show français, ce qui est un paradoxe, talk show est français. J'y crois pas, diffusé sur TF1, présenté par Tina Kiefer, qui traitait des religions pour parler de ses croyances. Source Wikipédia. Wow. Bien qu'affirmant partager un lien spirituel avec Lucifer, rien que ça. Il y a peut-être moyen de trouver des vidéos. Peut-être, qui selon lui, lui dicterait quoi dire et quoi écrire, la nature de son satanisme reste floue et sujet à controverse en raison tout particulièrement d'allégations de la part de l'ancien guitariste Eric Hoffman qualifiant le satanisme de Benton de non sincère et factice. Oh, ça balance pas mal la balle. A noter que son chant a deux registres distincts, voix grave et aiguë. Ils sont mixés et superposés à l'enregistrement. Et l'un des traits marquants de ses parties vocales sont une voix en grunt, grave classique du death, et l'autre chant éraillé typique black. L'une et l'autre se superposent ou alternent selon les passages des chansons. Decide, c'est aujourd'hui 12 albums, 2 compilations et 2 lives. 12 albums. 12 albums, ouais. Vache. Et moi, en fait, j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à rejeter un peu le truc en bloc. Comparé à des groupes un peu comme j'avais déjà dit comme Cannibal Corpse et Immolation encore la semaine dernière qui manquaient ouais. Un peu de on va dire de comme j'avais dit de variation ou truc et ben chez Decide elles y sont donc le groupe m'a beaucoup plus intéressé en fait j'ai pas du tout trouvé ça désagréable à écouter j'ai trouvé dans l'ensemble ça s'écoutait super bien je m'attendais vraiment à un truc tellement sataniste, tu sais, on a tellement l'image d'un truc justement bah, que Decide ça soit satanique, on arrive déjà presque avec l'idée de ah, c'est pas bien. Et en fait, en écoutant comme ça, c'est pas du tout le cas, ça s'écoute vachement bien, c'est facile. Après, j'ai pas du tout, je me suis pas penché sur les textes pour savoir jusqu'où il allait dans le satanisme, et donc j'ai pas cette notion là dans mon écoute. Mais musicalement parlant, ça m'a pas du tout dérangé. Effectivement, les deux voix superposées ça passe plutôt bien parce que c'est ni trop l'une ni trop l'autre, donc t'as pas le côté enfin. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Par contre, comme il y a 12 albums, bah, j'ai rien qui est ressorti plus que l'autre. J'ai essayé d'écouter Légion, qui s'est vendu à 400 000 exemplaires. Ça m'a pas... J'ai dit, ouais, c'est bien. Mais c'est aussi bien que le reste. Rien ne m'a... J'ai pas été marqué plus par un moment ou un autre truc, de ce que... parce que j'ai pas pu tout écouter, mais le plus que j'ai écouté, voilà. Donc, il y aurait pas Tool en face. Il y aurait Phil Anselmo, déjà, il y a un autre groupe. J'irais sûrement voir des sites, peut-être pour voir. Je ne désespère pas de les revoir plus tard, une prochaine fois. Là, mon cœur partira sur Tool, parce que c'est obligé, il faut voir Tool. Mais franchement, je serais pas contre continuer d'écouter des sides, même si après, le côté satanique m'intéresse pas du tout. Et limite, peut-être voir ce qu'il veut dire pour « Ah, ok, d'accord, il dit ça, bon, bah j'écoute pas, parce que c'est de la merde. » En fait, c'est plus le problème. On a beaucoup de groupes qu'on peut considérer comme satanistes, qui le font un peu d'une manière décalée, et pas forcément sincère, genre Ghost aujourd'hui qui se dit sataniste, ça fait un peu, pourquoi pas, mais ça fait un peu doucement rigoler, pas dans le sens, pas dans le sens forcément qu'ils sont pas sincères, mais juste que prendre ce côté-là, cette orientation-là, pour... ça marche moins. Behemoth qui est aussi sataniste, mais comme j'ai déjà dit, le mec qui fait du yoga à côté, ça casse un peu des mythes, on est loin du mec qui va se mettre une croix à l'envers au fer rouge sur le front. Ouais. Donc... bah, moi, je te dirais, j'aurais envie de te dire, Bob, essaye d'écouter un peu pour voir. Je pense mais je connais des sides. Et tu n'aimes pas du tout ? En fait, je connais, ça fait longtemps que j'ai écouté du des sides, quand j'avais des potes qui écoutaient du black metal. Et il me faisait, le premier morceau que j'ai écouté de des sides, c'était Kill the Christian. Ouais, je sais donc, pas de quoi ça parle. Moi non plus. Donc du coup, ouais, après, c'est vrai que le côté anti-chrétien est très prononcé. Ah bah, oui. Là, sur ça. C'était de mémoire assez violent et ah bah, oui. Tout très peu ma came, quoi. Mais après, ouais, pourquoi pas. Vu qu'ils ont 12 albums, peut-être qu'il y a possibilité de... Ah non, mais dis-toi de... qu'aujourd'hui, t'es plus non plus le même mec. Et oh putain, c'est cool. Et que, ouais, et que t'as des trucs aujourd'hui que t'écoutes que t'écoutais pas forcément à l'époque. Mmh. Donc moi je te dirais, parce que franchement ça s'écoute plutôt bien, hein, franchement. Ouais. Bah ouais, non, mais pourquoi pas. Mais bon, après il reste le côté satanique, voilà, qui n'est pas de... On peut faire avec ou faire sans. Moi je sais que ça, au bout d'un moment, j'aurais pas envie de faire genre ouais non, ça me dérange pas, alors que je le sais que... Mais il y a rien non plus qui s'est vraiment démarqué. Juste, ça m'a beaucoup plus intéressé que Immolation par exemple. Mais ouais. Aussi Cannibal Corpse, que je trouvais beaucoup plus linéaire dans leur structure et tout ça. Okay. Mais je dis pas que c'est le cas, les gars. N'est pas me défoncer en commentaire. D'ailleurs, on remercie merci beaucoup à tous les messages qu'on a reçus pour mes problèmes de rhume. Grâce à vous, c'est totalement réglé. Voilà. Chronique suivante, Bob. Pour les remèdes, c'est ça. Chronique suivante. Donc, moi, je passe à Testament. Testament qui passera dimanche en Main Stage 2. De 16h55 à 17h45 en face de Wigadude et Cancerbat. Voilà. Ah, ça sent le Cancerbat tout ça. Thank you. Donc, Testament est un groupe états-unien des États-Unis. C'est un groupe de thrash metal, heavy metal, en activité depuis 83. Voilà, voilà. Donc, originaire de Berkeley, en Californie, formé en 83 sous le nom de Legacy. On est d'accord ? Le groupe se compose du chanteur Chuck Billy, des guitaristes Eric Peterson et Alex Schornick, du bassiste Steve DiGiorgio et du batteur Jen Hoglan. Depuis sa création en 83, le groupe connaît un bon nombre de changements de formation, Peterson restant le seul membre constamment présent. D'accord. Voilà. Billy remplace l'ancien chanteur Steve Souza, à ne pas confondre avec Linda 2, en 86 avant l'enregistrement de leur premier album studio, l'album The Legacy, et restera membre du groupe depuis. Billy et Patterson, et pas Billy Patterson, non. Parce qu'on non, pourrait, non. On pourrait croire, mais, on pourrait croire, mais non. Ouais, non. Billy et Patterson, parce que c'est, sont les seuls membres à participer sur chaque album. D'accord. Testament est souvent crédité comme l'un des groupes les plus populaires de la scène thrash metal, avec plus de 1 400 000 albums écoulés aux États-Unis selon SoundScan et 14 millions d'albums à l'international. Mais c'est beaucoup trop. C'est clair. Ça fait deux fois que je le dis. C'est beaucoup trop. Mais ouais, c'est trois fois. Après sa signature chez Atlantic Records en 86, le groupe publie son premier album The Legacy en 87. En date, le groupe compte 10 albums studio, 4 albums live, 6 compilations et 6 singles. Et 606 cigares. Waouh. Ah, ça doit être ça. Pas mal. Hein. Ouais. Et donc ? Voilà. Oh. C'est du... Oh. Non, j'ai bien aimé. Ah bah quand même. En général, non. Testament, ça... Ouais, non, ça envoie bien. C'est, bah ouais. C'est cool. Non, bonne voix, bon trash, quoi. C'est tout qu'est-ce que j'aime. Non, c'est bien. Ah. J'ai bien aimé. J'ai écouté en fait l'album qu'ils ont refait, là où il y a plein de morceaux, plein de d'albums. Je sais pas lequel c'est. Ils ont fait avec Metallica, tu sais, où il y a... Ils ont refait un album avec il y a 40 titres dessus, quoi. Non. De plusieurs, non, c'est pas ça ? Metallica, ils ont jamais fait... Quoi, une espèce de best-of ? Ouais, un truc comme ça, je sais pas. Non, Metallica, ils ont pas fait de best-of. Oh, ouais, ça va, hein. Attention. Enfin, je ne crois pas, peut-être, que je serais passé à côté de... Mais je ne sais pas, j'en sais rien. Il n'y avait pas un album comme ça où il y avait plein de titres... Non ? Non. Non, il n'y avait pas ça. Mais okay. Aussi, il y avait un album de reprise avec plein de titres, mais c'était un album de reprise. Alors, jus confondu. C'est pas grave. Donc là, en fait, j'ai écouté... The Complete Album de 87 à 94. D'accord. Avec 67 morceaux. Effectivement. Donc ça va, j'ai quand même brassé assez large du coup. Ouais. Bon, par contre, 94. Ah bah ça, oui. Mais bonne période quand même. Hein. C'était sympa. Hein. Bah ouais. Ouais, ils savaient faire de la... De la musique. De la trash à cette époque. Ah bah tiens. Bah dis-moi pas mon con. Ouais. Attends. Donc t'as bien aimé. Ouais, c'est sympa. Au point d'en acheter ? Je sais pas encore. Parce qu'il faudrait que tu... Non, bah non, parce que là, je te dis, j'ai écouté le The Complete Album. Donc, oui. j'ai pas écouté chaque album. Mais c'est bon trash. Mais ils ont un paquet d'albums. Et est-ce que tu iras les voir ? Alors, rappelle-moi qui c'est qui en face ? Wig the Good. Oui, Rig Dude. Wig the Dude et Cancerbat. Ah, je sais pas. Cancerbat ? Ah, je sais pas. Cancerbat, c'est quand même la Warzone. Ah, il y a des chances. Bah, ouais. Bah, ouais. Ah, bah, c'est ça. Hein. Après, moi, je sais que Testament, j'ai pas assez écouté, mais qu'à chaque fois, c'est un groupe que j'aime bien. Mais ouais, j'ai pas assez écouté. Ça passe bien, je trouve. C'est... Bah, il y a des putains de bons trucs. Ouais, hein. Ça trash bien. Quoi. Ah, bah, ça. Avec des petites balades. Parce que de temps en temps, ils font des petites balades quand même. C'est très trash. Ouais, mais c'est très rocker, quoi. C'est très. Oui, voilà. C'est très métalleux. Comme a pu le faire avec comment. Zach Wild. Ah oui. C'est pas Zach de la Rocker. Bah non, parce que je... Pas confondre. Ah, Zach Braff, c'est pareil. Oui. Bah, je sais pas s'il a fait des balades. Si, certainement en campagne. Oh oui. Il aime bien marcher. Ouais, voilà. Mais ouais, il a des petites balades. Mais ça passe bien. Donc, ça fait partie du truc aussi, quoi. J'ai toujours entendu que des trucs positifs sur ce groupe. Et... Ouais. Bah, j'approfondirai en écoutant cet album de 67 chansons. Je pense qu'on va être bien après. Ouais, ça devrait aller. Très bien, très bien. D'autres choses à dire sur le groupe ? Non. Ok, bah, je passe à mon troisième groupe avec Psychroptic. Pas évident. Pardon ? Psychroptic. Ah ouais, c'est ça. Donc, qui passe le dimanche en Alta. Ouais. De 11h40 à 12h10. Ouais. Soit un petit set. C'est vrai. En face, il y a Gold. Ouais. Et un peu plus près des étoiles. C'est Nova Twins, l'autre. Et l'autre, c'est Nova Twins. Oui, qui est un groupe qui me fait beaucoup interloquer. Nova Twins ? Ouais. Ah ouais ? J'ai été voir ce que c'était comme ça un peu et je... Ça t'a interloqué ? Bah en fait, c'est deux filles. Elles ressemblent plus à des rappeuses qu'à des rockeuses. Mmh. Ah, tu as vu aussi ? Ouais. Ouais. C'est des blacks ? Ouais. Avec des dreads. Enfin, ouais, ouais, j'ai vu ça. Donc Gold et Nova Twins. C'est assez bizarre. Hein. Bah écoute, pour l'instant, ils se sont trompés. On va peut-être les prévenir. Pour l'instant, on va dire que c'est Psychoptric. Oui. Alors, Psychoptric est un groupe de death metal technique australien originaire de Hobart. Déjà, énormément d'informations en une seule phrase, la plus importante étant Hobart. Hobartolomé. Qui est la ville la plus peuplée de l'état de Tasmanie. Et c'est la deuxième plus ancienne capitale d'état australien après Sydney. Cool. C'est vrai, on parle toujours de Sydney. Sydney par-ci, Sydney par-là. Sydney Pollack. As-tu vu Sydney ? Sydney est même l'héroïne de la saga Scream, c'est dire. Ouais, c'est vrai. Alors que Bart, c'est l'héroïne de rien du tout. Bah si. Enfin non, c'est pas l'héroïne. Non. Elle me sort pas Bart Simpson, ça marche pas. J'allais pas dire ça, c'est tiens, toi tiens. Qui dis ça, Bart pop, pop, pop. Simpson. C'est Bart. Bref, Psychoptric est formé en 99 par Dave et Joe Haley, respectivement batteur et guitariste, qui jouaient avant dans le groupe Disseminate. Ils forment donc Psychoptric avec le bassiste Cameron Grant et le chanteur Matthew Chalk, qui était aussi batteur pour MCI, un groupe local de grindcore. Ah oui. Ils sortent leur premier album en 2000, The Hassel of Disenchantment, qui, bien que conçu pour n'être qu'une démo, impressionne dans les membres du groupe au point qu'elle est sortie en tant qu'album, totalement autoproduit par le groupe car n'ayant pas de label. Donc t'imagines, t'écoutes ta démo et tu dis, ah les gars, quand même, c'est plus un album qu'une démo quand même. Quand même. Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok. En 2003, un second album, The Scepter of the Ancient, et entre deux tournées, les frères Haley rejoignent The Amenta, un groupe de black metal industriel basé à Sydney, et enregistre avec ce groupe l'album Ocasus. Dave, qui avait 5 minutes, travaille également sur l'EP du groupe Ruins, originaire d'Hobart. Des frères à eux, quoi. Des amis. C'est ça. 2004, le groupe prend de l'ampleur et réalise une grande tournée en Europe, mais Matthew, le chanteur, ne souhaite pas trop s'investir dans une telle tournée. Il est remplacé par Jason Peplat, de P, de T, chanteur dans un autre groupe d'Hobart. Jamais on n'aura autant cité cette ville. Hobart ? Hobart. 2006, troisième album, Symbol of Failure, et le groupe continue d'augmenter sa popularité. En 2007, ils assurent la première partie de Decide, un autre groupe de death metal. Ah, ouais, tiens. 2008, quatrième album, Observant. 2010, un petit live enregistré à Melbourne, Initiation. 2012, cinquième album, The Inherited Repression, parce que faut bien. En novembre de cette même année, bah, Joe sort un livre de tablature de ce cinquième opus. Bah, c'est Joe, c'est un des frères Haley. Puis en 2013, un sur la précédente album, dont le quatrième. 2015, grosse prise de risque, sixième album, du nom de Psychoptric, ce qui n'est vraiment pas simple à prononcer. Et enfin, 2018, dernier album en date, As the Kingdom Draws. Donc, pour résumer, Psychoptric, c'est deux frères, sept albums, un DVD live et la ville d'Hobart. Hobart ? Hobart. Du coup, qu'est-ce que j'en ai-t-il pensé de ce groupe ? C'est vrai, ça. Eh ben, j'ai surkiffé. C'est vachement bien. Ah cool. Là là. Ouais, non, si, c'est top. C'est très très bien. C'est effectivement du death metal technique, c'est ce que j'ai dit. Hein. Oui, c'est ça. Le mec, qui sait même pas ce qu'il écoute. Ouais. C'est effectivement très technique. Hein, quand tu le sens à l'écoute, tu sens que les mecs sont pas en train de sauter partout. Ouais. Du coup, j'ai même regardé un peu des lives. J'ai regardé un live. C'est assez... calme. Hein ? C'est calme. Oui, malheureusement. Ouais. Ouais. J'étais un peu déçu de ça parce que justement, tu vois bien que les mecs sont concentrés. Alors, j'ai regardé un ancien live après et ils étaient plus dans l'action. Ok. Mais ils sont peut-être arrivés à un point tellement technique que maintenant ils sont obligés de. On peut plus trop bouger, les gars. Il devrait faire un duo avec Fever 333. Ouais, bah, peut-être. Ça pourrait bien péter. Ça ferait un équilibre. Ouais. Mais du coup, à part le chanteur qui, lui, bouge pas mal, les autres bougent la tête et en rythme et tout. Ah ouais. À côté de ça, c'est vraiment très sympa. Je te conseille d'écouter. J'ai bien aimé. Je pourrais complètement acheter un album. Ok, alors, d'accord. J'ai un peu écouté tout et n'importe quoi dans le désordre et tout. Donc, j'ai pas trop... Tu vois, en fait, en écoutant tout, ça m'a pas fait l'effet de la semaine dernière... du groupe de la semaine dernière dont j'ai oublié le nom, que j'avais dit plus j'écoutais les albums, moins j'aimais. Ouais. Et ben là, ça m'a pas fait ça, j'ai trouvé tout bien. D'accord. À différents degrés, sans me dire ils ont pas trop progressé. Non, j'ai trouvé vraiment tout bien. Et c'est assez intéressant de découvrir ce groupe. Et comme en face il y a Gold ou Nova Twins, pour l'instant c'est clairement eux que j'irai voir. Ouais. En plus de 11h40 à 12h10, bah je suis complètement dedans en général, donc il y a de grandes chances que j'aille les voir parce que j'ai bien kiffé cette écoute. C'est le groupe de mes quatre groupes que j'ai le plus écouté. Ok. Donc j'y suis retourné à moult reprises. Bah forcément, quand tu aimes, tu ne comptes point. Voilà, je t'en prie. Eh ben ça fait du plaisir. Eh ben tant mieux. Alors mon dernier, t'as moi. Suite était All Them Witches. Qui passe le vendredi en Valais de 17h40 à 18h30 face à Pestilence et Dagoba. On risque d'avoir une réponse intéressante. Alors, All Them Witches. All Them Witches. All Them Witches. C'est comme les sausages. est un groupe de Nashville, Tennessee. Yeehaw! Ça plairait à Bobby et Jackie. C'est vrai. Des amis à nous. Donc, bah, aux États-Unis, hein, on est d'accord. À moins que ça ait été délocalisé ailleurs. C'est un groupe de genre blues rock, hard rock, néo-psychédélique, stoner rock ou desert rock. Oh bah dis donc, mais c'est presque tout pour toi ça. Ouais. Bah si. Ah non, mais je suis assez d'accord. Non mais c'est tout pour toi ça. Oui. Ah d'accord. Donc voilà, il n'y a pas grand chose sur eux en version française. Donc je vais vous la faire en grosso merdo. J'aurais peut-être dû bosser cette partie-là et la traduire parce que All Them Witches débute album Our Mother Electricity was released en 2012 from Electro 1. Soon after came their EP. Ouais, non, extra, bah écoute, il y a combien d'albums, c'est pas grave, pas sur des trucs. Voilà, alors studio album. Putain. Tu feras attention, hein. D'accord. Il y a 4 albums studio, enfin 5, pardon. Donc Our Mother Electricity, qui est sorti en décembre 2012. Parce qu'ils ont commencé, le groupe a débuté en 2012. Bah, voilà, efficace. Jusqu'à maintenant. Lighting at the Door, en 2013, qui a été remasterisé, refait en 2015. Voilà. Dying Surfer Meets His Maker, en 2015. Sleeping Through the War, en 2017. Alors, j'ai un accent de merde, est-ce que je peux commander le tien sur Amazon? Si tu veux. Il a 495 francs. Putain, c'est cher. Et ETW en septembre 2018. Oh, voilà. D'accord. Un album sorti récemment. Ok, très bien. Ils ont 2 lives. Il y en a un à Bruxelles. Ah, bah je connais. Tu connais Bruxelles? Oui, je vois à peu près où c'est. Ouais. C'est en haut à droite. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est sympa. Et The Garage, sorti en 2015. Intéressant. Voilà. Bah, sinon, c'est sympa. Ouais. Ouais. Non, c'est un bon groupe, vraiment de. Ça brasse large. Ouais. Ça brasse très large. Alors, j'ai pas de précision de qui ils sont. Je te redirai ça, comme j'ai fait. Mais voilà, non, j'ai écouté. Alors, j'ai pas écouté tous les albums, j'ai pas écouté d'albums, j'ai survolé, j'ai pris les morceaux les plus réputés, on va dire. Donc, ouais, c'est très psyché, avec des passages très blues, mm-hmm. Ouais, très rock blues. C'est pas mal. Après, c'est pas stoner. T'as un mélange vraiment de tout. C'est assez compliqué de vraiment classifier le truc parce que ça mélange, ça brasse large, comme je te dis. Et j'arrive pas vraiment à me faire une opinion en fait positive ou négative sur le groupe en lui-même. J'aime bien, mais je n'arrive pas à trouver le truc qui va me dire ouais, c'est pas mal. Ah ouais, donc t'es à deux, bah peut-être parce que t'as pas assez écouté. Bah, pourtant j'ai quand même écouté quelques morceaux, presque 10, donc ouais, mais ouais, ouais, peut-être pas assez pour avoir un avis, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il faudrait peut-être que j'écoute un album. J'aime bien écouter album par album, donc du coup peut-être que en procédant comme ça j'arriverai peut-être à me faire plus facilement une opinion. Moi j'ai écouté sur le trajet là du boulot à ici vite fait, en passant un peu j'écoutais 30 secondes et je passais, et j'ai bien aimé, j'ai été assez surpris, je m'attendais pas à ça. Ouais. Je pensais que c'était complètement autre chose et j'ai trouvé ça calme en fait. Ouais, mais je trouve que ça passe bien. Non, ça passe bien, c'est pas le problème, mais c'est pas calme dans le sens musical. Ça sent vraiment le blues, enfin tu vois, c'est ouais, mais ça le fait. Enfin, moi, ah non, ça le fait, ça le fait. Y a pas. Ah, par contre, c'est 17h40. Non, moi je voudrais approfondir un peu, moi, pour moi. Après, j'ai pas. Ouais. Du coup, là, tel que Old Damn Witches, Pestilence, Dagobah. Bah, ça reste Old Damn Witches quand même. D'accord. Parce que, ouais, ça mérite d'être vu, je pense. Par d'accord. Curiosité, et puis je pense que ça doit être pas mal sur scène. D'ailleurs, un truc. Donc, en gros, si je peux me permettre, t'es un peu sur un oui, mais. Voilà. Ou plutôt un mais, oui. Ouais. Ou un mais, oui. Ah, peut-être sur un sujet. Donc, Dagobah, non. fait. C'est en main stage, Jago. Bah ouais. Bah, c'est toujours le problème. Hein. Ouais, mais Testament aussi, par exemple. Tu vois. Oui, mais Testament, c'est en face de qui ? Oui, Gdoud et Cancerbat. Donc, c'est un autre problème. Voilà. D'accord. Il y a ça. Warzone, quand même. Donc, All Them Witches, quelque chose d'autre à en dire ? Bah, pour l'instant, non. D'accord. Donc, peut-être une chronique mise à jour ? Ouais, peut-être, ouais. Ouh là là. Il y aura, je pense, un numéro hors série mise à jour. Bob. Je le ferai tout seul à la rigueur. Bon. Je t'infligerai pas ça. Je me démerderai tout seul. C'est gentil. Donc je te montrerai comment on enregistre. Ouais, non, non, mais je le ferai sur mon téléphone. Ah, bah c'est gentil. Je me balancerai sur Twelfest sur la page. Je me ferai pas c'est chier. Gentil. Ouais. Bon, bah je passe à mon dernier groupe. Je le ferai en live sur YouTube au pire. Bah fais pas ça, malheureusement. Je pars sur mon dernier groupe. Bah non, on part pas sur ton dernier groupe. Donc je fais mon dernier groupe. Ouais. Très bien. Donc King Diamond. Oh là là, mon... Bah oui, c'est pour ça que je te prévenais. Je t'ai prévenu 4 fois. Donc je vendredi, suis... Temple, 1h05, 2h05. Oh là. Ouais. Face à, tiendez-vous bien à vos slips, Gojira et Sum 41. Donc là, ça... Bon, ça va être faut être un hein. Gros fan de King Diamond. Ah ouais, déjà. Sinon, c'est mort. Alors, King Diamond est le chanteur du groupe Mercyful Fate, groupe de heavy metal danois formé en 81 et qui se sépare en 85. King Diamond est un groupe de heavy metal danois formé en 85. Avec au chant King Diamond, à la basse Timmy Hansen et à la première guitare Michael Diner. Tous trois issus de Mercyful Fate. Comme quoi ? Non, moi c'est Bob. Oui, c'est avec l'autre guitariste qu'ils avaient un souci et que le groupe s'est séparé. Du coup, ils ont carrément switché, ils ont changé le nom, changé. Bah, ils ont changé le nom en couette, garant, voilà. Changé, ouais. Du coup, c'est Andy Larocque qui devient l'autre guitare et derrière le fut un certain Mickey D qui a joué avec Motorhead, oh ouais. Qui joue avec du Scorpion et qui va ouvrir un bar à Paris. Tout est lié, bordel de cul. A noter que le groupe a gardé le nom King Diamond pour surfer un peu sur l'ancienne notoriété de Mercyful Fate, groupe pionnier de la première vague du black metal des années 90, principalement avec leurs paroles liées au satanisme et à l'occultisme. Depuis la création du groupe, plus de 15 artistes ont participé aux compositions, les deux principaux membres de toujours étant le chanteur et le guitariste Andy Larocque, et à chaque album ou presque, un petit changement de line-up s'opère. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les changements, je vais plutôt revenir sur autre chose. 86, le groupe publie son premier album, Fatal Portrait, qui marche plutôt bien et part en tournée. 87, second album, Abigail, premier album concept qui marche plutôt mieux et repart en tournée. 88, troisième album, Zem, un autre album concept qui s'inspire de la vie de King Diamond, le personnage, pas le chanteur, qui marche aussi et repart en tournée. 89, quatrième album, Conspiracy, la suite dans le concept qui marche bien. Si, et ça repart en tournée. 90, cinquième album, dit High, mais pas de tournée par manque de support du label. A noter qu'avant, c'était un album par an, très commun pour les années 80. C'était quand même autre chose que maintenant, quand même. Avant, on avait souvent un album par an d'un groupe. Ouais, c'est vrai. Du coup, King Diamond, l'homme, reforme Mercyful Fate en 93 et alternera entre les deux formations pendant les années 90. Du coup, 95, j'ai perdu le compte, mais nouvel album, The Spider Lullaby. 96, idem, The Graveyard. 98, tout pareil, Voodoo. Les années 2000, tout ça, bah on ne change rien. Nouvel album, House of God. Mais on voit que ça a changé. On passe plus facilement à un album tous les deux ans. 2002, qu'est-ce que je disais ? Retour d'Abigail 2, The Revenge. 2003, The Puppet Master, qui n'a pas eu autant de succès que Master of Puppet. Comme quoi, le choix et l'ordre des mots, ça a son importance. 2007, dernier album en date, Give Me Your Soul, Please. Parce que la politesse, c'est sympa. A noter que le titre Never Ending Hill est nommé au Grammy dans la catégorie Meilleure Performance Metal. Et fin 2010, King Diamond est emmené d'urgence à l'hôpital à la suite de multiples attaques cardiaques. Trois de ses artères sont bouchées. Tout va bien, rassurez-vous, il a bien récupéré, n'a rien perdu de sa superbe, s'alimente mieux et a arrêté la cigarette et pratique du sport régulièrement. Donc King Diamond, c'est une voix aiguë, du maquillage et un haut de forme tout de suite identifiable. Un micro placé sur un support en forme de croix en bois sur lequel il aime bien faire de l'air guitare. 12 albums, des lives et un Mercyful Fate en parallèle. Donc en fait, moi, de mémoire, je connaissais plus Mercyful Fate Et j'apprécie musicalement plus Mercyful Fate parce que j'ai cherché des chansons que je connaissais dans tout le répertoire de King Diamond et j'en connaissais aucune. Donc du coup, j'ai longtemps... Mais en fait, étonnamment, ça ressemble beaucoup à du Mercyful Fate. Donc, c'est avec... bizarre, ça. Ouais, c'est assez étonnant. Et j'ai appris, après avoir fait cette chronique, en me penchant un peu sur le côté concept des albums, qu'il avait vraiment des histoires complètes dans les albums. Mais des trucs super intéressants, vraiment, genre du personnage de King Diamond, qui a une sœur qui est morte, qui vient lui parler parce que sa mère et un docteur essayent de l'envoyer en hôpital psy. Il y a tout un truc qui est... Sur les pages Wikipédia, t'as l'explication des histoires. Excellent. Ça a l'air super intéressant. Mais le problème, c'est qu'en fait, chaque morceau débute, et je fais, putain, c'est cool, c'est du bon vieux, heavy, ça marche bien. Il commence à chanter, ça va, et à un moment donné, il part dans les lyriques en aigu, et... Bah, je rigole en fait. Je rigole parce que je prends ça au second degré et je me dis, j'ai un peu de mal à croire qu'il ait vraiment fait ça au premier degré tout le temps. J'imagine. Parce que sinon, c'est un côté un peu bizarre. Mais à côté de ça, une fois que t'es dedans et que t'acceptes le truc, ça passe. Ouais. Tu dis pas, ah, c'est génial, mais tu te vois à fredonner le truc un peu avec lui, ah, en partant des aigus, mais en version décalée quoi. Voilà. J'ai regardé des lives. Pour voir, et le public est un peu comme ça, elle réagit. Tu vois, c'est un personnage, c'est un truc, il y a un univers qui existe, donc je pense que c'est ça qui rajoute. Tu peux, parce que si vraiment t'es extérieur totalement au truc et que t'écoutes juste, tu fais t'es bizarre. le passage, parce que et c'est vraiment très aigu et très particulier quand ça arrive. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué, moi. Bah oui, mais du coup, j'avais déjà vu le groupe. J'avais déjà vu King Diamond au Hellfest, à mon premier Hellfest, quoi. Il passait en dernier groupe et j'étais resté, on n'était pas beaucoup à regarder, vraiment pas beaucoup, c'était en main stage. Hein. Ah ouais. Ouais. Et j'avais regardé un petit peu, j'avais dû regarder une ou deux chansons pour dire « Ah bah j'ai vu King Diamond ». Et j'avais trouvé ça bien, alors visuellement il se passe des choses sur scène, c'est vraiment agréable, mais c'est pareil quoi, le côté aigu. En fait, il faut vraiment être dedans et connaître les chansons pour pas que ça choque quoi, sinon ça te fait des trucs bizarres. Mais c'est pas mal. Je peux écouter sans que ça me dérange, mais en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au final, je suis plus intéressé par tous les concepts autour que par la musique du groupe en lui-même. Et je reste plus intéressé par les morceaux de Mercyful Fate. Voilà. Donc, c'est un entre-deux. Ils passent face à Gojira, Sum 41, ils ont peu de chances de sortir gagnant. Ouais. Je ne sais pas qui j'irai voir. J'irai peut-être voir Sum 41 que je n'ai jamais vu, pour dire je les ai vus. Gojira, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ouais. Donc, peut-être un peu de Sum 41. Et après, aller vers Gojira pour essayer de voir. Faut que j'aille voir Sum 41 au moins une fois pour le dire. Triangle. Mais non, je pense pas que j'irai voir King Diamond. J'ai pas envie et pas besoin. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini les groupes. C'est ça. Donc, on va pouvoir passer au tirage au sort parce que je vois que Bob est en train de dépérir. Non, pas du tout. Tu dépéris, je te connais, je te vois. Non, non, j'ai envie de boire une bière, mais en fait, j'ai pas envie de boire une bière. The Creep Show. Ah, d'accord. Ça passerait bien en Warzone, ça. Ah, très bien, je te marque. The Creep Show. The Creep Show, à moi. Semi-can. Oh, bah dis donc. Ouais, non, bah... Là, je ne peux pas t'aider. Will Haven. Putain, mais j'ai l'impression que c'est que des groupes que je connais pas. Bah, pour l'instant. À noter que notre ami Julien a écouté Necromancer et qu'il a dit que c'était pas mal. Ah, les coups et les douleurs. C'est possible aussi. Ah, Stone Temple Pilots. Ok. Alors, je connais sans connaître. Ouais, moi pareil. Donc, attends. Stone Temple Pilot. Je connais des morceaux qui passent comme ça. Oui, comme tout à chacun. De temps en temps, lors d'une playlist. Comme ça. Ah, cool! Un groupe que je voulais découvrir. Radio Moscou? Ouais. Écoute, ça passe dans la vallée. Ah bah, cool. C'est ton main, la vallée. Ouais. Tu joues la vallée, toi. Non, moi, tu sais. C'est fou cette envie de pisser. Hein. Alors, Sublime Cadaveric Decomposition. Ah. Ça passerait bien. Altar. Bon, oui, genre. Eh ben, hey. Hop. Ah, je fais grisiller le podcast. Et je m'en excuse, les gens. Et My Last. Oh, cool. Municipal Waste. Oh. Oui, cool. Tu connais un peu ? Je connais un peu, mais je connais pas plus que ça. Donc c'est pareil, c'est un groupe que je voulais découvrir. Approfondir. Et moi, je vais pas en avoir un putain de groupe que je veux approfondir, bordel de merde. Chaos DI. Bah non. Voilà, la réponse est là. Tu ne l'auras pas, enfoiré. Très bien. Donc, ouais, j'ai pas... non, j'ai écrit Caïs. Non, ça va pas l'air. Voilà. Donc, comme on l'a dit, pas d'émission la semaine prochaine. Bah oui, pour cause de maladie. De voyage de l'un des deux animateurs. Je vous dirai pas lequel, mais c'est pas Bob. Du coup, on se retrouve... Bah, soit on se retrouve la semaine prochaine, mais à une autre date. Ouais. Soit on se retrouve la semaine d'après à une date comme celle-ci. Donc, on en reparle. Le 2. Le 2 ? Ah, je vois. Tu me dis à une date comme celle-ci. Bah, c'est-à-dire le soir. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, il n'y a pas un 2, quoi. Non, il n'y a pas de 2. Très bien. On arrête ? D'accord. Ça fait 2 heures, quand même. Ah, quand même. Ouais. Putain, t'abuses. Hein. Ça, à chaque fois, il faut toujours que tu prennes... On te donne ça, puis... Heureusement que j'ai pas fait traîner la hausse. Allez, on y va. Ouais, bah oui, c'est clair. Heureusement du coup, on vous dit à très bientôt, en espérant que vous ayez un minimum aimé cet épisode. Ouais, voilà. Ouais, parce que... Nous, on a aimé le faire, je crois. Ouais. À peu près. Ouais. Donc, on vous aime. Et on vous emmerde. Sabot de bois. Non. Tu vas jamais y arriver. Ok, d'accord. On vous aime. On vous emmerde. Sabot de bois. Sabot de bois. Ah putain, c'était vrai. On vous aime. On vous emmerde. Sabot de bois. Tu sais que c'est désespérant. Bon, et bah. Et c'est toi qui veux aller conquérir Hollywood, tout ça. Sabot de bois. Ah bah voilà. Allez, à la prochaine. Allez, bisous.